Quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h à peu près même, on peut dire pour l'heure. Comme d'hab, quoi. Je crois que j'ai le Covid. Non, t'écoutes pas avec ça. Non, jusqu'à 23h, c'est pas faux, mais personne n'a dit qu'on s'arrêterait à 23h. Hein. C'est pas faux non plus. Ça, c'est vrai que ça, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc oui. Ce soir, comme j'expliquais tout à l'heure, on va faire un petit voyage. D'ailleurs, Teddy, Indestar nous paye les billets d'avion, j'espère. Oh, trop bien. Je suis parti. D'accord. Salut. Bon, on vient de perdre Quizman, donc il n'y aura pas de quiz. Je t'offre un aller simple, comme ça sera qu'une fois. Allez, tu nous offres un aller où ? Tu reviens pas, en fait. Oh, bah, un aller simple pour où tu veux. Mais... où tu veux, quand tu veux, Kevin. Ouais, je crois que... Quelle belle déclaration d'amour dans ce soir. D'ailleurs, si vous la ratez, cette déclaration d'amour, vous pourrez toujours la retrouver en podcast sur indestar.fr ou je sais plus. Spotify, non ? Oui. Deezer. Podcast Addict. On est partout, en vrai. Podcast Daniel. Ouais. Non, pas encore. Bientôt. Depuis le temps qu'on en parle. Hein. Non, mais il y aura quelque chose. Sur toute votre plateforme, vous pourrez retrouver votre émission Indestar préférée. On peut y réagir tout de suite en nous appelant au 09 70 407 306. C'est pas faux. C'est aussi pas mal, ça, je trouve. C'est cool. Si vous voulez faire des déclarations d'amour à Kevin. Et peut-être que vous aviez l'intention de venir et que vous êtes tout bonnement en retard, donc il faut vous dépêcher parce que l'émission a commencé. C'est vrai. Depuis un petit peu. C'est vrai que Thierry a raison. Si vous nous entendez, c'est que l'émission. Appelez-nous. Kevin et Océane prennent tous les numéros de téléphone. Ils sont disponibles. Ça, c'était dit plutôt. Totalement. Exactement. N'est-ce pas, Océane ? Bien sûr. Tu vois ? Elle est intéressée pour le coup. D'ailleurs, Océane va donner son numéro de téléphone perso. 06. Alors, si je me trompe pas, c'est 06 70 68 36 84. Ouh, moi, c'est un 07. Non, je déconne. Dommage. Je sais même pas qui est ce numéro de téléphone. Oh, bravo. Bravo, Kevin. Je donne des numéros, je balance. T'as pas donné le numéro du chef, celui qui est sur la carte ? Eh ben. Il peut donner le sien. Il peut donner le sien. Parce que celui-là, on le donne avec la petite carte de visite, donc de toute façon, c'est pas de problème. D'ailleurs, si vous avez un talent plus ou moins caché si qu'il faudrait dévoiler, par exemple, oui. Un talent d'artiste, hein, venez nous voir. Ça fait déjà plusieurs mois, au moins 3 mois, qu'on reçoit des artistes et on s'éclate avec eux. Et voilà. Pendant nos émissions, on les suit. Peck Avengers. Artiste. C'est vrai que nos 10 millions d'écoutes d'auditeurs seraient ravis de vous entendre pas. Enfin, ça dépend de comment dire. Ça dépend du domaine dans lequel vous faites, parce que dessiner, tu vois, c'est pas très intéressant d'entendre quelqu'un dessiner, mais... C'est compliqué, radiophonique. Oui, mais ça pourrait être intéressant pour l'émission qu'on est en train de faire, quand elle est thématique, justement. Bien sûr. Pourquoi pas. Je dis pas qu'il faut pas venir, c'est juste que ça s'entend. D'ailleurs, en parlant de thématique, donc ce soir, on va faire un petit tour du monde qui nous est généreusement offert par Indestar. Génial. Moi, je vais loin, en plus. Tu vas où, d'ailleurs? Moi, je vais en Corée, moi. Ah oui, tu vas loin. Kim Jong-un? Ouais. Oh, ça dépend de quel Corée on parle. Non, mais je parle un peu du sud plutôt quand même. Ah, c'est bien dans le sud, peu cher. En chorégraphie, on parlait du dessin. Après cette belle blague, Thierry, toi, tu nous emmènes où ? En France, j'aurais pu faire les pays francophones, mais j'ai choisi le territoire bien national. Thierry, les chauvins. La France métropolitaine. Toi, Daniel, je suppose qu'on va dans les îles hawaïennes. Alors, non, je vais vous décevoir, mais non. Alors, par contre, ça me donne une idée. Il y a eu un bug. C'est vrai que... Il y a un bug ou ça ? Il y a un bug ? Mais non, c'est toi qui as bugué avec par contre. C'est quoi l'idée ? Oui, on va où ? Peut-être qu'au mois de janvier, je vous emmènerai lors de la spéciale du vendredi sur les îles, après tout. Ah, cool. Ouais, mais moralité, tu nous emmènes où, quand même ? Sur les îles flottantes. Ce soir, on part où avec toi ? Voilà. Alors, comme nous sommes en plein hiver, on va pas partir... Il fait froid, c'est ça ? Il fait froid, oh là là. On va aller dans le froid, on va aller dans les pays... Dans le nord. Ah ouais. C'est pour ça que t'as une chemise hawaïenne. C'est pour faire paraître plus chaud. Il y a des gens qui ont un chauffage central, il y a des gens qui ont du thermolactyle, et moi j'ai des chemises hawaïennes. Et ça réchauffe de suite le cœur. Seulement le cœur. Ça marche bien. Pour le cœur, oui. D'accord. Hein ? Pour les bras, non. Tant que le cœur y est. C'est pas faux. C'est bon. Océane, tu nous emmènes où, toi ? Nous, on va aller voir les Italiens. Ah. On se emmène en Italie. Super. En Sicile. On va manger de la pizza margarita. Pizza, pepperoni. T'as amené ce qu'il faut pour manger aussi. Oui, j'espère, vu que les Italiens, ils sont quand même bien connus pour ça. Ouais. Et toi, tu vas nous emmener où ? En Argentine. Oh, et on va parler de quoi, vite fait ? Des Argentins. De football. La pop culture en Argentine. C'est parfait. C'est comme ce qu'on ça, voulait. On dit rien de plus. D'accord. Et toi, Teddy, ton quiz, si tu peux nous donner quelques infos. Même quelques réponses aussi, alors, serait oui. pas mal. Alors, c'est un quiz basique, hein, 5 questions avec 3 propositions de réponse. Par contre, chaque question concerne un de vos pays. Cool. La chance veut que. Enfin, le hasard veut que vous soyez 5. J'ai 5 questions. Quelle chance. Bien joué. Donc. Alors, c'est un quiz basique, mais qui n'est plus basique quand non. il passe dans les mains de Teddy. Teddy. Non. Donc, alors, Teddy, c'est notre arnaqueur professionnel je maintenant. Je choisis mes propres réponses. C'est moi qui décide. C'est ça le problème. Et on se fait avoir à chaque fois, bien sûr. Ouais. Voilà. Oui, mais moi. J'accorde des points supplémentaires, j'en enlève 3 d'un coup. Parce oui, que, vu que voilà. je me souviens de la semaine dernière. Je multiplie par pi. Tu nous as fait un coup, tu m'as enlevé un point et tu m'as dit si tu réponds bon, t'as les 2 points. En même temps, c'est le maître du jeu, il a raison. Ah. Ouais, bah quel salaud. Ah oui, c'est un salaud, j'ai pas dit le contraire, mais c'est le maître. Je maîtrise ouais. tout, même vos micros. Oui. Voilà, si je coupe là, vous entendez que moi. Il y a que moi, j'ai ah oui. tous les pouvoirs. Oh, génial, ça, c'était sympa, dis donc. Pika. Quel enfoiré. Si j'ai bien retenu. Vas-y. Daniel. Pays du Nord. Pays du Nord. Thierry, France. Linda, Corée. Kevin, Argentine. Océane, Italie. Ah, on va voyager ce soir. Et toi, le quiz. Donc, vous allez défendre chacun votre pays. Ça va nous faire une guerre mondiale. C'est, le c'est possible. C'est vrai qu'on voyage partout. Qui est-ce qui gagne la guerre mondiale? D'ailleurs, en parlant de voyager, j'espère que c'est des premières classes. Ah pays. Ouais. Moi je vais être. Non, ce soir ouais, c'est première. C'est dans une cale de bateau là. C'est première crasse ce oui. soir. Ah, moi non, il faut prendre l'avion pour y aller. Oui, je passe par bateau, Paris et tout ça. On peut y aller en bateau. On ouais. peut aller partout. Et puis on peut migrer d'un pays à l'autre. Alors là, c'est vrai. Ce sera pas fini surtout avant Mathusalem, là, le tour du monde. Après, on peut faire un road trip, on va partout quoi. On fait. Ouais. Tu vois en Corée, on sera peut-être pas très bien accueillis. Ah, ça dépend. On est trop. Bah, Kim Jong-un n'est pas très. Ah non, c'est Corée du Nord ça. Ah bon, c'est au sud. Si c'est. Ouais. C'est ce qu'elle nous a dit, Corée du ouais, Sud. Corée du Sud. Bah, road trip, ça passe pas du coup. Ouais, non, mais bon, on peut partir et faire faut tout passer le schéma, quoi. Oui, on va c'est faire, vrai. On va visiter, et quoi. Et du coup, d'ailleurs, ce petit road trip, il va commencer par quel pays? La France, il me semble. Eh ben, on va commencer en France. Ah, bah oui, la chez France, nous. En français. C'est ça. Ouais. Tu la connaissais pas? Ça fait très non. politique, hein, tout ça. C'est... Mais non, mais non. C'est, pas... c'est normal, la baguette, c'est français. Ah, le calendos, le vin rouge, c'est français. Bah oui, le camembert, c'est français. Donc, et Daniel, c'est français, ça commence malheureusement. À faire. Malheureusement. Les Français ne savent pas fermer leur gueule. Surtout ça, je confirme. Ouais, on a de sacrées réputations. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas nous parler. Tu vas nous parler de clichés de France. Ah oui, bah oui, ce qui est intéressant, c'est que ça soit vu par les autres. Oui. C'est mieux par les autres que par nous. C'est ça. En tout cas, ça peut être marrant de voir des points de vue, des raccourcis, et se dire que c'est pas totalement faux. Hein. Et puis de toute façon, c'est dans la nature de merci, l'être humain, on se moque toujours de nos voisins. Hein. Oui. Ça, c'est... Mais... Moi, je vois les pays nordiques, par exemple, les Danois comme les Suédois et tout, bah, ils se moquent des voisins aussi, qui sont ouais, pourtant ça, des Nordiques. On hein. va peut-être en revenir quand tout à l'heure tu nous parleras du pays du Nord. Là, on va plutôt écouter Queen Clary, Rest, qui est de Gims, il me semble. Bah, on reste alors. C'est possible. Thierry, le plus grand fan d'histoire des animateurs de Peck Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que t'es dit en histoire, moins. Il ah, n'y a pas qu'en histoire où t'es moins. En géo aussi, hein. Quoi? Non, ah non, en géo t'es bien. Non, non, en géo t'es dépend. Bien. Je bon. Sais plus. En anglais, peut-être? Alors, il y a peut-être en mémoire où t'es moins bien. Il y a plein de moins partout, ouais. mais pas non, en maths. Mais... À part les pains et puis manier sa baguette, c'est tout ce qu'il sait c'est faire. C'est déjà pas mal, en vrai. Mais hein. vaut mieux ça. C'est utile de manier sa baguette. Je l'ai fait exprès. Ah bah ça va bien avec mon sujet. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, en parlant de baguette, on va commencer ce tour du monde en France. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est connu dans le monde entier, c'est bien le pain français. La boulangerie. Et c'est une référence. Ça et le fromage, non? Et maintenant, Teddy est connu dans le monde entier. Peut-être la différence, si tu veux, c'est que les boulangers français s'installent un petit peu partout dans le monde. C'est peut-être un peu plus dur avec le fromage, surtout au lait cru. Il n'est pas accepté partout. Non, c'est vrai. Et puis, ça coûte cher on aussi. On a quelqu'un ouais, d'autre qui n'est pas accepté endroits. Partout sur Indestar. Kevin. Teddy. Ça balance ce soir, ça y est. Oui. La guerre est déclarée. Ouais. Je sais pas, moi j'ai été dans toutes les émissions. Et j'ai déjà été partout. C'est pas faux. Ouais, mais justement, un ils n'avaient peut-être Teddy. Pas envie de. Ouais. Chers auditeurs, si vous avez un Kevin. Talent de technicien ou d'animateur principal, vous pouvez postuler. Peck Avenger recherche. Alors, on peut passer un petit coucou à Théo s'il nous écoute. Gros il y a une place pour toi dans PK si tu veux remplacer Teddy qui t'es sert à rien. T'es le bienvenu. Ah, mais je vais pas tarder à le virer. Non, mais on va faire une nouvelle émission à la recherche du nouveau Teddy. Ouais, bah, un seul, c'est déjà beaucoup, donc deux. Et sinon, alors, dans voilà, cette France, revenons qu'est-ce, en France. Ouais, qu'est-ce qu'on fait dans cette France? Il n'y a pas que des tennis dans la France. Alors, heureusement. Moi, j'ai envie de commencer avec la radio, parce que je me dis, en France, on écoute la radio, on aime la radio. Ouais. C'est bizarre que tu commences par la radio. Bah, on est dans une radio, même. Bah, c'est pour ça. Bah, ouais, mais c'est une bonne référence. Mais j'espère que tu parles d'Indestar quand même. Alors, on écoute beaucoup de radio. Où est-ce qu'on écoute la radio en France? Dans la voiture. Dans la voiture, beaucoup dans la voiture. Hein. Y en a beaucoup dès le réveil, ça ponctue un peu leur journée parce que vous savez qu'on donne beaucoup l'heure le matin dans les matinales. Oui, hein, oui. Donc, ça permet d'être ordonné. Voilà, on s'habitue par rapport à sa chaîne de radio, se dire ouais, donc à tel moment il passe ça, donc j'ai encore tant de temps pour faire telle chose. Bon, c'est bon, je suis là. Et puis les actus dans les embouteillages, bon, etc. Mais tu vas rigoler, moi, ma fille, elle a 12 ans, elle écoute la radio l'après-midi en rentrant de l'école. Elle écoute BFM TV. Oui, mais après... Non, Energy ou. Après voilà. C'est bien, ça peut être écouté partout, mais non, on a des petits boss qui se baladent un peu partout aussi, donc c'est très bien. C'est ça. Mais alors, ce qui est peut-être plus curieux, c'est que au-delà de la radio, alors nous, on n'a plus besoin d'antenne puisque diffusé sur le net, mais on aime les antennes radio et surtout, on en a une très très grosse qui est le monument le plus connu au monde. La Tour Eiffel. Une antenne radio française célèbre dans le monde entier, vous vous rendez compte? Un tas de ferrailles qui diffusent la radio et c'est ça qui représente la France dans le monde entier. Ouais. Mathieu, l'utile à l'agréable, enfin c'est pas très beau une tour Eiffel quand même, mais ils ont quand même. Comment ça, c'est pas beau? Moi, c'est une armature, c'est un monument, hein, désolé, mais attends. Tu vois, j'allais dire, moi, un truc français c'est qui est connu mondialement, c'est pas mal. Oui, pas d'autre, hein. C'est original, c'est un tas de ferrailles. Et technique, c'est un défi technologique quand même. C'est pas aussi. Oui, qu'à l'époque. C'est vrai que c'est utile, c'est pas que esthétique. Et puis ce qui est marrant, c'est que ça serve à quelque chose. Ce qui est marrant, alors après, est-ce que c'est le côté symbolique qui a fait que ça s'est exporté? Il y a plein de pays, enfin plusieurs pays, où on fait des monuments, alors de la France et d'autres, mais en plus petit. Des mini tours Eiffel. Comme on fait des obélisques, comme Luxor. L'Arc de Triomphe, etc. Bon, voilà, c'est assez intéressant. Mais je trouvais ça marrant de démarrer avec la radio. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est perçu? Et en fait, la Tour Eiffel n'est pas forcément perçue comme une antenne radio, hein, je disais ça, non, parce non, que c'est plus un rapport. Parce que nous, les Français, peut-être qu'on pense souvent, on met un rapport avec la télévision, hein, mais pensez qu'à la base, c'était pour la radio. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'antennes, il n'y a pas que une ou deux antennes radio et télé, hein, c'est vraiment la jungle, c'est un bazar pas possible en haut, hein, de la Tour Eiffel. Ah bon, d'accord. Oui, Bah, c'est bouffer ou être bouffé pour reprendre la jungle. C'est un monument qui se visite et puis on peut s'y restaurer aussi. Oui, hein, oui. Bon. Oui. Ils ont aussi restauré la Tour Eiffel d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps. Quelque chose me dit que tu vas aller sur la nourriture, non? Ah oui, on peut faire ça. Mais ce qui est marrant, c'est si vous voulez, quand les gens n'ont pas la culture de la France dans sa globalité, parce que c'est quand même un petit pays sur la carte. Donc quand on est un peu loin, si on a visité une fois la France, on est allé genre à Paris ou pourquoi pas Amboise. Hein, oui, pourquoi c'est pas Amboise. Mais bon, l'espèce de cliché, tous les Français vivent à Paris ou sur la Côte d'Azur et ils ont une vue sur la Tour Eiffel. On a l'impression que la Tour Eiffel, elle est tellement grande qu'on a un peu une vue dessus. Mais en même temps, c'est vrai qu'à Paris, on la voit de loin. Comme nous, à Amboise, on voit le château d'Amboise un peu partout. Même c'est Thomas Pesquet, il la voyait de là-haut, la Tour Eiffel. Ah ouais? Oh, il fallait un sacré zoom à mon avis. Non, ouais, je pense aussi. Mais il est équipé en même temps, il avait ce qu'il fallait. Par contre, il avait de la chance, il ne voyait pas. Merci, c'est gentil. Et bim. Toi non plus d'ailleurs. Si ça on faisait va un reflet dans son télescope. Et il pouvait nous entendre sur indestar.fr. Oui, c'est vrai. Oui. Et ouais, tiens, d'ailleurs, dans l'espace, est-ce qu'ils écoutent la radio? Et comment ils perçoivent les ondes d'ailleurs? Parce que vous savez que dans l'espace, avec les vibrations d'air, il faut avoir le casque vraiment très près de l'oreille. Et puis ça doit faire comme dans une baignoire. C'est... Mais qu'est-ce qu'il y a? Très bon bruitage de la part de Thierry quand même là. Ah oui, quand j'étais petit, j'ai m'amusé à mettre les oreilles sous l'eau et puis cogner dans la baignoire pour voir les résonances. Tu faisais des tests déjà? Ouais. Des tests aquatiques. Heureusement que t'es pas devenu scientifique. Hein, quand même. Bah, si, c'est comme ça que tu commences. Je suis, une sorte de scientifique, mais peut-être pas celui que tu voulais. là d'un seul coup, il t'avait en idole, l'image de l'idole. Peut-être pas non plus beaucoup, mais après Thierry, après tout ça, il y a quoi d'autre à voir en France? Alors peut-être si tu veux dans l'histoire, quel personnage à votre avis Napoléon Bonaparte. Napoléon arrive c'est largement le plus connu au monde, largement en tête. même, enfin, je sais pas pour les Français, en tout cas, moi, ça m'inspire rien. Mais alors, pour tous les autres, c'est genre Napoléon Bonaparte, c'est le français par excellence. Oui, oui. Et en plus, il était pas corse ou je sais pas quoi. Même si c'est en négatif pour certains gens, je veux dire, c'est vraiment le personnage quoi, auquel on pense. Il y en a un autre dont j'ai parlé dans pas mal d'émissions avant. De Gaulle, si vous voulez. Mais une personne qui a eu chaud un peu partout. Qui a eu chaud ? Oui, qui a eu chaud. Moi ? Pensez à un cheval, pensez à des voix. On est sur la radio Jeanne d'Arc. Ah oui. Mais chaud, un cheval. Jeanne d'Arc. Elle a cramé, malheureusement. Alors j'ai cherché plusieurs sondages, plusieurs trucs. Elle arrive vraiment après Napoléon. Ah ouais. Dans les premiers. Elle a même été reprise dans certains mangas. C'est grâce à elle qu'ils ont inventé le barbecue. Même dans les jeux. Oui. Non, mais moi, barbecue géant. Ouais. Pour moi, je connais Astérix en personnage célèbre. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été dans le top niveau des personnages? Qu'est-ce qui fait la popularité d'un personnage? Alors tu as certainement la symbolique. Parce je dirais le folklore autour de ça. Oui. Tout à fait. De toute façon, on le fait vivre. Hein, Oui, puis c'était une femme à l'époque, peut-être que c'était déjà très étonnant. Peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué à savoir pourquoi c'est célèbre dans certains pays et pas dans d'autres. Alors, c'est intéressant la remarque Linda par rapport aux femmes, parce que c'est vrai qu'on peut se dire il va y avoir une liste d'hommes et avant qu'arrivent des femmes. Mais en fait, il y a une femme, une chanteuse qui arrive assez rapidement dans les classements. Ah ouais. Brigitte Bardot. Non, une petite bonne femme qui est venue d'un milieu très modeste. Oui, Edith Piaf. Ah mince, d'accord, ok, j'étais pas parti. Edith Piaf, elle a tendance à arriver après l'écrivain Victor Hugo, mais elle arrive quand même en pole position. Elle est très connue aux États-Unis. D'accord. C'est une référence de la chanson française. Et puis, Edith Piaf, je veux dire, pour les gens qui ne la connaissaient pas, on a pu la redécouvrir à travers le film La Môme, avec Marion Cotillard. Ce qui fait que maintenant, Marion Cotillard est connue aussi un peu partout. Parce que le film La Môme a cartonné. Hein. Et il date déjà de 2007, moi je pensais pas que c'était aussi ancien. Ça passe très vite. Bah, elle a joué aussi dans la trilogie de Nolan, de The Dark Knight. Dernier, elle a joué la fille de Ra's al Ghul. Elle joue dans beaucoup de. Elle est très célèbre à l'international, Marion Cotillard. On a un footballeur, Zidane. Zizou. Ouais. Alors, qui peut être connu pour ses exploits, mais aussi pour d'autres choses. Ouais. Bah après, c'est un exploit, le coup de boule aussi, on peut dire. Coup de boule. Ça peut être pour les deux. Ouais, mais c'est pas que pour ça, c'est qu'il a été bon joueur quand même. C'est un joueur de légende. Bah, mais on peut faire le buzz pour plusieurs raisons. Mais c'était en 96, ça, je crois. Au 98, non, de quoi, 2000, le coup de boule, c'est 2006. Non, mais l'époque où il jouait bien. Non, mais où il jouait en tant que dans l'équipe française. À chaque fois qu'il jouait, il jouait bien. 2006, il jouait encore. Ça a pas duré longtemps. Non, mais c'était à cette époque-là, non, qu'ils ont gagné une coupe ou je sais pas quoi, non. Du monde, oui. C'est 98, non. 98, ouais. Ouais, c'est ça. Ne te trompe pas, parce que je crois que les Français aussi sont très attachés à leur 98. Ah, pardon. Une créatrice de mode, alors ça fait un bon moment maintenant, mais qui est très connue. Son nom, c'est le nom d'un parfum aussi. Oui, je l'ai, mais je l'ai plus. Le numéro 5, c'est Chanel. Bon, alors la créatrice s'appelait Coco Chanel. C'est immensément connu, hein, forcément. Et puis on en a refait une superbe bio aussi. Est-ce que un roi célèbre qui brille, Louis XIV. C'est le seul qui connaît. Pas mal de philosophes, des écrivains et des philosophes. Il y en a beaucoup qui sont connus. Qui étaient français de base ou... Voltaire, oui. Zola, d'accord. C'est pas français. Alors ce côté roman. Comédie humaine, etc. Oui, oui. Sartre, ça vous dit quelque chose peut-être, enfin, peut-être c'est pour en les Sartre, gens c'est anciens. Jean-Paul Sartre, Vallée, ouais. Descartes. Ouais. Ah oui, bah, Descartes. Le, Descartes, cartésien. Tout nos noms de rue en fait. Ouais, bah, Pascal, bon, De Gaulle, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. En sciences. Marie Curie, elle n'est pas française, alors, mais par rapport au brevet, hein, ouais. les curés, effectivement, Pierre et Marie Curie. Pour les vaccins, puisque on n'est pas Louis Pasteur. Voilà. Un humoriste qui n'avait pas la langue dans sa poche. Danny Boone. Coluche. Coluche. C'est forcément les anciens. Non, toi non, ça ne passe pas. Ah bon. Toi, tu as été recalé à l'entrée de la porte déjà pour Coluche. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé une petite liste en fait avec beaucoup d'humour où on nous dit alors il y a énormément de Français célèbres comme et en fait vous allez avoir des noms de gens qui sont d'origine étrangère mais qui sont très connus, qui sont devenus très connus par la France. D'accord. Alors il y a énormément de Français célèbres comme Picasso, qui était espagnol. Oui. Ouais. Salvador Dali, espagnol aussi. Vincent Van Gogh, qui était hollandais. Apollinaire, Frédéric Chopin, Marie Curie, tous les trois polonais. Joséphine Baker, américaine. Voilà, et plein d'autres choses. La France est le pays des droits de l'homme. Oui. Bon, en tout cas, on revendique. Paraît. Mais oui. Et on manifeste beaucoup pour dire qu'ils ne sont pas respectés. En France, on est toujours en grève ou en vacances. C'est vrai. Bon, c'est vrai. C'est un cliché assez réel. Quelle est la différence entre les deux? Parce que moi, je ne la vois pas. Il y a quand même des étrangers, on parlait des Américains tout à l'heure, qui ne comprennent pas quand ils viennent en haute saison touristique. Qu'il y ait des établissements qui soient fermés pour grève ou pour vacances. Ça doit être en plus, eux. En pleine saison touristique, chez eux, où ça tourne 24 heures sur 24. Oui. En plus, les Américains, c'est une machine. En gros, on passe pour des feignants, quoi, t'es en train de dire. Bah, oui. Ouais. Alors, pour ça, et puis des fois aussi pour des grossiers. Quand on arrive, qu'on est étranger, on arrive à l'aéroport, qu'est-ce qu'on prend? Bah, notre valise. Le taxi. On prend le taxi. Ouais. Ah, les taxis, notamment parisiens, ils peuvent vous emmener vite fait, machin, mais alors, ils ont la réputation d'être grossiers. Je dirais même pas que les taxis. En France, on a un vocabulaire de gros mots assez énorme comparé à d'autres pays. Hein. Oui, mais. Si tu prends l'Amérique du Nord, les Américains, par exemple, c'est pas très bon. Je pense que c'est même pas que les taxis, c'est les conducteurs, par exemple, qui ont la réputation de gueuler tout le temps. Quoi, je dirais même que la réputation de la France est quand même assez. Râleur, alors heureusement vous n'avez pas vécu dans le sud parce que nous merde en Espagne c'est pire ou putain c'est un point quoi tu vois donc c'est chaud moi j'ai changé hein, parce que en bas j'ai changé non mais bon sinon ça va choquer les gens mais au con c'est tout le temps quoi tu vois ça ponctue les phrases oui, ça ponctue c'est mal vu moi ça d'ailleurs autre cliché sur la France dans le sud ils exagèrent beaucoup et ils parlent avec les mains bah tu vois c'est ce que je faisais oui c'est ce que tu faisais en plus c'était embêtant c'est aussi un cliché français ça si je me trompe pas on voit pas parler avec les mains c'est compliqué non mais ça empêche pas c'est dans la nature c'est comme ça tu vois dans ta nature dans la mienne ouais. Autre personnage j'ai oublié de vous parler du commandant Cousteau le commandant Cousteau et on avait une quand j'étais plus jeune on avait une émission de reportage si vous voulez comme vous avez peut-être connu celle avec Nicolas Hulot Chouala, c'est la même chose vous aviez les expéditions du commandant Cousteau sur France c'était 2. Magique ça à l'époque j'ai connu que Nicolas Hulot c'était pas la même chose. Et puis il y a quelqu'un qui parle pas, un mime, qui est très célèbre. Mime Marceau. Quelle époque ça, parce que. Alors, c'est très ancien, je crois. Parce que moi je pense que ça doit faire un moment quand même. Alors, pour info, il a commencé à être. Alors, connu d'abord aux États-Unis à la fin des années 40. D'accord. On n'était pas. Non, on n'était pas là. Info, on parle toujours du mime Marceau, mais son prénom c'était Marcel Marceau. D'accord. Par contre, petite question, vu qu'il y en a un qui a dit Charlie Chaplin, il était quelle nationalité celui-là? Il est suisse de naissance. D'accord. Ah. Voilà, t'as ta réponse. C'est pas loin. Enfin, mais c'est pas français. Attends, non, britannique de naissance, pardon. Il a été aux États-Unis et il a fini sa vie en Suisse, pardon. D'accord. Et Charlie Chaplin, en fait, beaucoup de gens qui ont connu les films muets le préféraient dans le muet hein, que, quand il a commencé. Ah, à oui. Complètement. Je sais pas, j'ai toujours connu, mais c'est pas comme nous. Non, ça c'est sûr. T'imagines une émission de radio avec des muets? Tu me permets de citer un personnage très connu. On est là pour discuter. Comme moi, je viens du Sud, je vais vous parler de Marcel Pagnol. Ça vous parle peut-être? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un de très connu. Attention, je voudrais faire une remarque. Pour Théo, si tu nous écoutes, on a bien dit Marcel Pagnol. C'est un joueur de Marcel foot. Bagnol. Hein. C'est un je joueur tiens de à foot. Faire la précision. Ah non. Non, c'est pas... C'était, il a fait des films, il a écrit... Alors, écrivain à la base, qui a raconté sa vie, qui a écrit sur son enfance, et on en a fait des adaptations. Bah, en plusieurs volets. Voilà, la gloire de mon père en premier et la le château de ma mère. C'est une référence, je pense. C'est un espagnol en plus, c'est pas un français. C'est tout à fait. Voilà. En France, on croit que les frites viennent de Belgique. C'est pas totalement vrai. Et alors ? Ça vient du Schnorr ? C'est pas totalement vrai, pas totalement faux. On va se faire des ennemis. Mais on se dispute les uns les autres, mais c'est vrai qu'on peut avoir très souvent entendu mais les frites, ça vient de Belgique. Une fois. Non. Une fois, deux fois. Ça vient du nord de la France, du département côté de Lille, Valenciennes. On va pas préciser parce qu'on va se faire pas mal. Bah, c'est comme quand on commence à parler rillettes et qu'on se dispute. Ah, il y a la rillette du Mans, C'est quand on commence à parler de pain. Ah, la chocolatine. Ça n'existe pas. Non. non, je suis d'accord avec toi. Non, si, ça existe, c'est juste un patois. C'est... Bon, c'est... par non, contre, il y a des choses sur lesquelles on ne se dispute pas. Les étrangers nous regardent comme étant des gens qui mangent des grenouilles. Hein ? Ah oui, les cuisses de grenouilles. Alors, je suis d'accord avec les étrangers. Des escargots. Oui. Du fromage puant. Ah oui, bah, pas plus que les Italiens. Non, je suis désolé. C'est vrai. Et comparé au hareng puant, la bourrie des Suédois, je pense ça balance. Fermenté. Voilà. Alors, attention, il y avait règlement de compte là. Mais si ça se trouve, c'est très bon. Non, mais il paraît que c'est très bon. Mais rien que l'odeur, déjà, tu rentres pas dans la pièce. Hein. Ça rentre pas dans ma bouche, moi. Ce que j'allais dire, rien que l'odeur, déjà, tu te casses. Il y a d'autres choses comme mais, ça. Mais alors, quand on va sur les bateaux mouches, les mouches, c'est pour les fromages ou... Peut-être. Oui, peut-être, on va savoir. Très bonne remarque, nous allons demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait pourquoi ça s'appelle des bateaux mouches d'ailleurs? Du tout. Parce que c'est petit et que ça passe partout. Tu dois savoir si tu nous poses la question. Eh ben non. Oh, ben mince alors, c'est dommage. On a dû me le dire, mais là, on cherchera du coup parce que c'est intéressant. Je vais faire une blague dessus parce que je n'ai pas la réponse. Mais bravo. Bah t'as raté ton coup, je crois. En France, on se donne rendez-vous dans des culs de sac. Des culs de sac? Ah bon? Vous savez, les mots français qu'on utilise en anglais, etc. Rendez-vous, cul de sac, etc. Oui. Ouais. Et oui, dans les petites rues sombres, etc. Il y a pour des gens qui se donnent rendez-vous. Bah, faire je laisse deviner, hein. Certainement pas bah, pour moi, je sais pas, je pensais qu'il allait dire pour prendre le thé parce qu'il avait un accent un petit peu. Non, en anglais. France, on mange des croissants. Ah, des croissants? Oui. Avec du foie gras. Oh! Et on mange de l'ail et de l'oignon et après on se donne des rendez-vous dans le cul de sac. Et ça sent pas bon de la bouche. Hein. Bon, enfin, si des deux côtés on a mangé la même chose. Tout va bien. Oui, tout va bien. Ouais. Les Français aiment les femmes. Oui. Dans les chansons de Sardou peut-être. Un peu trop. Ouais. Alors ils aiment les femmes, mais pas dans les affaires, pas en politique. Ah, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ils aiment les femmes à la maison et bon. Qui voilà. Fassent le ménage ou la bouffe, en gros. Ce serait bientôt que ça change. Exactement. On prône la parité. Alors ça commence, paraît-il. Bon, au gouvernement, il y a peut-être des efforts. On voit quand même de plus en plus de. C'est de bien. Femmes. Ils donnent l'exemple. Mais ils font que ça. Ouais, c'est le mot, ils ne le connaissent pas encore. Non, mais ils font que ça. Je dirais pas exemple. Je dirais pas exemple. Bah, en fait, alors on parle peut-être moins de quotas, mais combien de temps on a parlé de quotas? Alors il faut notre quota d'handicapés, notre quota d'étrangers, notre quota de femmes, notre quota de. Les quotas laitiers, enfin tout. Tout, ouais, quoi, faut tout, tout est en quota. Tout, ouais. Quota, quoi. Mais en fait, je parle de ça, je parle d'handicapés, mais on est encore dans les quotas. Moi j'ai encore lu des choses sur les handicapés ces jours-ci parce que j'ai vu un reportage. Alors 7% dans telle entreprise, machin. Bah après, et il y a des entreprises qui sont limites en se disant il nous faut notre quota pour qu'on ait nos allocations. C'est moche, hein. Après, Thierry, regarde. Des gens qui t'embauchent parce que nous à Indesta on a notre quota d'handicapés avec très large, on embauche que ça. Teddy, laisse-toi, te laisse pas faire. Je suis vice-président d'Indesta, donc en fait je peux virer qui. Vous savez quoi, il va vous mettre à la porte, attention. Je peux faire plus personne pour faire PK Avenger. C'est ça. Bon, des blagues sur l'hygiène. Ah oui, on sent pas bon, il paraît. Les Français sont assez en France, les filles sont jolies mais ne se rasent pas. C'est féministe. Ouais, c'est moche. Ça veut dire quoi, qu'il faut absolument se raser? En France, on ne se lave pas, mais on a des grands parfums. C'est vrai, on cache l'horreur. C'est vrai. C'est cohérent. Ah, j'adore quand même la formule. Ça, c'est. Ouais, mais c'est tellement vrai. Si, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit par rapport. Vas-y, Teddy. Tout à l'heure, tu parlais de quotas, mais l'administratif. En France. Il y a un quota? Non, mais on est très célèbre pour notre très très longue. Comment dire? Ça se passe pas super vite. Les démarches administratives. Ouais. Les 12 travaux d'Astérix. C'est ça. Alors vous n'avez pas le formulaire bleu qui il doit s'obtenir avec le violet. Mais il vous faut aussi le jaune et le vert. Et là vous allez au quatrième étage voir la collègue de l'autre bout qui vous emmènera vers le deuxième. Mais c'est la réalité, etc. En vrai. Hein. Ouais. C'est ça. Ah, ben on en chie pas. En France, on est champion là-dessus. Et même quand on te valide un dossier, et après tu te dis ben oui, mais ils ont validé le dossier, mais par contre ils m'en donnent pas ce qu'ils m'avaient dit. Ah, il faut que. Et tu rappelles, et à chaque fois tu tombes sur quelqu'un de différent. Bon, pour raconter ton histoire, etc., ouais. Etc., bon. Et après, on te dit trop. T'as autre chose sur la propreté? Je sais pas, on en était. Non, moi, je juste des gros clichés. On parlait de baguette tout à l'heure. Alors, le français, comment est-ce qu'on peut le dessiner, si vous voulez, le avec représenter? Avec un béret, une bannière, un foulard rouge, une baguette sous le bras. Voilà, un foulard rouge, un béret, une baguette. Bon, voilà. Ah, bon. J'étais presque. Des rayures. La marinière. Pour la marine, ouais. Le camembert. Ouais. Oui, mais bon, on cultive un peu ça. Je veux dire, si vous allez encore à Montmartre dans les vieux restos, vous allez avoir les gars qui servent, qui auront encore le béret. Bon, voilà. Ouais, mais c'est sympa. Et on joue de l'accordéon. Oh ouais. Ah ouais, c'est la référence. Oh là là. Abusé. Mais oui. Moi, je pensais que c'était le bon campagnard, tu vois, la référence de la France, le bon vieux. Bah pas campagnard, quoi. Paysan, dans le monde. Le paysan, le vrai paysan, ouais. Non, mais parce que moi je viens du sud, donc dans la Provence, c'est le paysan, quoi, tu vois. Ah bon? Bah oui. Je sais pas, dans le monde, enfin, pour ce que j'en vois, parce que du coup, je fais pas partie de l'autre côté, je suis français. mais moi, je les vois comme des habitants à Paris. forcément. C'est, un Français, ça habite à Paris. C'est pas central. La France, c'est Paris. Ouais. Au pied de la baguette, enfin de la Tour Eiffel, avec la baguette. Une baguette sous le bras. C'est cliché. C'est, tu as Paris avec la Tour Eiffel et puis le bord de mer, un peu quand même la côte d'Azur. C'est ça. Hein. C'est la référence. C'est complètement dingue. En France, on coupait les têtes avec une machine bizarre. La guillotine. La guillotine, inventée par Guillotin, qui a eu la chance de la tester. Ça, c'est con. Quand on invente quelque chose, il faut quand même se questionner, se dire. À quoi ça sert exactement? Fais attention à ne pas perdre la tête. Est-ce que je ne risque pas de devoir l'essayer en public? Est-ce que je vais subir la conséquence de mes actions? Ouais. C'est quand même bien, il a voulu savoir si ça fonctionnait bien. Hein. Mais on n'a jamais eu son avis. Il n'a pas voulu savoir. Je pense que c'est pas fou quand même. En France, le sport populaire est là. La pétanque. Je vais dire la fraude, mais... Ça, je crois que c'est international. Ouais, je crois aussi. Ah, la pétanque, c'est sûr que c'est pas dans le sud, ça? C'est le jeu de boules, ouais. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu partout, mais on en joue tu partout. Que c'était un jeu de boule au moins, Thierry. Oui, t'as dit. Encore un excellent coup de Jean-Pierre. Tu tires ou tu pointes? Ouais. Je pointe. Eh non, je bois avec boule. Oh non. Et puis, attends, on boit un truc pas jaune. Le pastaga. On boit un truc jaune. Le pastis. Voilà, et puis pour certainement plein d'autres choses, mais ça serait intéressant de vous dire, tiens, est-ce que vous avez quelque chose sur les Français que je n'aurais pas mentionné et qui tour de table. J'aime les tours de table. Océane, est-ce que t'as un cliché sur les Français? Ouais, avec le micro, oui, c'est mieux. Ça marche mieux. Non, je pense que vous avez tout dit, je pense. Ouais, on a fait les grands tours, hein, les grandes lignes. Daniel. Bah, on a oublié le litron de rouge. Ah, mais oui, le vin. Le vin. Mais oui, c'est vrai. Le français, la vigne. Oui, et oui. C'est la vigne. Il n'y a pas que Avril, la vigne. Oui, c'est non. Ce que j'allais dire. C'est bien dommage, d'ailleurs. Je sais pas, je pense que la bouffe, c'est le plus important, moi, en France. Il y a tellement de choses à manger. C'est vrai que c'est sacré, la bouffe en France. Ouais. La convivialité. Bof, hein. Ah, c'est moyen ça en France. En fait, en le disant, je me disais, il y a quand même quelque chose avant la convivialité, c'est qu'il faut quand même se faire accepter. Alors, il y a peut-être des régions où c'est plus facile, mais c'est vrai qu'avant de rentrer chez les gens et de s'y installer, oui, il faut quand même pouvoir franchir la porte. Et peut-être une fois que tu l'as franchi, tu fais partie de la famille jusqu'à ce que tu les plaises. C'est vrai, il a raison. Ouais. Jusqu'à ce que tu demandes la main de la fille. Alors là, là. Alors là, c'est fini. C'est une expérience. Là. J'ai l'impression que tu racontes quelque chose là. Ouais, j'ai l'impression aussi. Non, mais alors, moi, franchement, une fois que j'ai franchi. J'aurais dit la musique. La porte. Ah, c'est vrai. En musique, on en consomme beaucoup quand même. Ah, on consomme beaucoup de musique, tu trouves? Ouais, mais est-ce que c'est en France particulièrement? Je trouve pas. Non, il y a partout dans le monde, mais en France, on est quand même. Mais côté artistique. Côté artistique. On a un côté artistique. Évidemment, comme on est un plus petit pays, on a peut-être pas les moyens des États-Unis, mais on se bat quand même pas mal. On se bat bien quand même. Je pensais pas forcément que cinéma, parce que même dans ce contemporain, il y a plein de choses. Oui, ça oui. Parce qu'au niveau musique, ouais, t'as Maître Gims. Ouf, non, c'est... d'accord. C'est le meilleur exemple que j'avais là. Le meilleur, je sais pas, mais t'avais cet exemple. Le nombre d'écoles d'art, d'ailleurs, je vous parlais il y a quelques temps d'une école où on apprenait le dessin animé, etc. Très à la pointe, et on a plein d'écoles qui sont à la pointe sur plein. Toi, t'es dit, vu qu'on a fait un tour de table, mais toi, tu nous as pas dit. Mais il a rien à dire. Pas d'idée à parler. Bah oui, mais lui, il prend que pour le pain, lui. C'est le pain. Technique de cuisine, ouais. Bon, alors ça, sur la cuisine, on a des grands chefs. On est monstrueux en cuisine. Très bons chefs. Des grands chefs qu'on nous demande. On les exporte, nos chefs custo. Et on exporte les concepts de nos restaurants aussi. Je disais tout à l'heure la baguette, mais. On parle de boulangerie, mais la pâtisserie, parce que moi je suis dans la pâtisserie. Mais en fait, on exporte vachement dans les autres pays, parce que genre en Chine, en Asie, tout ça. Enfin, tous les pays asiatiques, ils veulent faire ce qu'on fait en France. On fait un carton avec. Ils apprennent ce que. C'est de la cuisine de haute couture. C'est voilà. Ça. Alors c'est ça. Un vulgaire éclair. Et bah pour eux, c'est le luxe de. C'est ça. Et pourtant, c'est basique finalement. On nous copie beaucoup de choses, ils essayent machin, mais même pour le luxe, on vient acheter la haute couture, on vient acheter les parfums français. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à copier. C'est vrai. Il y a une dessin, on nous envie, mais on ne nous copie pas forcément jusqu'au bout. J'aime bien le nom de la prochaine musique, moi. Justement, on parle de manger. À Thierry s'il lui a resté quelque chose, mais on va écouter Tevani, Narcos Acoustique sur Indestar. Kevin, le plus geek des animateurs de Peck Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul de l'émission à avoir une chaîne Twitch. Ah, c'est quand même le meilleur jingle, ça, je trouve. Mais alors, attends, Teddy, tu mets des jingles. Moi, je pense qu'ils ont oublié des choses. Exprès ou... Alors, il se trouve que ce soir, effectivement, j'ai mis les jingles spéciales nous, on va dire, spécial oui, Pick Avenger. Et oui, personne. Effectivement, j'ai mis sur chaque personne son propre jingle, sauf voilà. sur Océane. Ouais, non, mais là, oui. là, ils disent des choses positives, mais il y a tellement d'autres choses à dire. Moi, je pense qu'il faut les refaire, les jingles. En même temps, si tu dis pas les choses positives... Une version positive et une version négative. On va les écrire, ouais, mais c'est je, mais ouais, je pense qu'ils seront beaucoup plus longs, les autres. Ouais. Je pense aussi. Il y a tellement de choses à dire. J'allais dire, de toute façon, positif, il n'y a rien d'autre. À moins qu'on mette Kevin et Daniel dans le même... Ça peut fonctionner. Alors là, je te dis pas la longueur. Mais... Bon, et tu vas nous parler de l'Argentine ou pas alors ? Dis-nous. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Je vous propose de prendre un vol pour aller en Argentine. Ah, j'aimerais bien. J'adorerais. France-Argentine, mais... ok. 3 heures de vol. 3 heures seulement ? Non, j'en sais rien. Un peu non. plus, un peu plus. Je dis des conneries. Hein. Mais... Laissez-moi dire 3 heures de vol, bordel. Bah, faudrait peut-être déjà situer le pays. Bah, en Amérique du Sud. Merci. Sur la pointe même américaine. On part vers l'océan Atlantique. Bah, c'est entre... Exact, oui. Ouais, c'est entre l'Atlantique et le Pacifique même quand même. Pour un peu situer. Et c'est au sud de l'Amérique du Sud. C'est au sud, sud de l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de répétitions de sud. Pensez au sud, quoi. Okay. Voilà. Et donc, pour commencer, je vais vous poser une petite question. Bon, Daniel, je sais que tu vas connaître. Il y a des points à gagner encore ? Non, il n'y a pas de points. Non, c'est pas un quiz de Est-ce que vous connaissez le joueur de foot Sergio Aguero ? De nom. De nom ? Non, donc. Non, je pensais pas, je pensais à Maradona, moi. Non, perdu. C'est beaucoup plus ancien. C'est pas une question, ça, en plus. Bah, si. Bah, si, il suffit de dire oui, donc il n'y a aucun point à gagner. Ça, alors, c'est pas intéressant, quoi. Alors, est-ce que tu sais la petite anecdote ? Tu dis oui. Il est mort. Non. Non, mais il a des problèmes cardiaques. Ah, mince. C'est con. Non, donc, derrière son maillot, souvent, les joueurs de foot, ils ont un nom derrière. Ils ont juste leur nom de famille. Sauf que lui, il a Kun devant. Ce qui veut dire ? Alors, Kun, ça vient d'un dessin animé qu'il regardait avec ses grands-parents. D'accord. Où le personnage s'appelait Kun Kun. D'accord. Ses grands-parents trouvaient qu'il y avait une ressemblance, donc ils l'ont nommé Kun. Heureusement que c'était pas Concon, hein, parce que. Non, okay. T'imagines autrement. Et depuis, il a gardé Kun Aguero. C'est un, c'est un clin d'œil, quoi. Voilà, même là-bas, ce qu'ils regardent en étant jeunes continue à les suivre, bah, notamment pour Aguero. C'est beau, moi, je trouve, c'est positif. Bah, c'est sympa comme anecdote, puis bon, vu que c'est un de mes joueurs préférés, forcément, bah. Je me suis intéressé pour savoir d'où ça venait. Fais-toi plaisir. Oui. C'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot qui Parce joue à Barcelone. Le foot, c'est une institution en Argentine, si je comprends bien. Justement, en pop culture, donc tout le monde a grandi avec une série de foot, on va dire, plus ou moins. Ouais. Il y a eu foot de rue. Olivier Tom. Football, Olivier Tom, Inazuma Eleven, etc. Galactic Football. Je crois que je l'ai dit. Non, pas dit. Ah bah alors, je l'ai oublié. Ouais, mais... Merci Teddy. Mais il y en a tellement, mais eux, leur série, c'est ils prennent la balle et ils vont dehors. C'est ça leur jeu, ouais. Ils ont pas besoin de télé, ouais. Non. Eux, non. Ils Donc à chaque coin de rue, il y a un ballon avec des gamins, quoi. Bah, même si t'as pas de ballon en Argentine, t'as un peu mal vu, à mon avis. Ah ouais ? Du peu que j'ai vu, oui, c'est vraiment c'est l'institution là-bas. Mais nous, quand on n'a pas le ballon, on a le vert ballon. Hein. Oui. Ouais, mais c'est pas le même ballon quand même. Ouais. Non, mais on prend son pied avec le verre ballon. Hein. Oui, on prend son pied. Oui. On prend le pied du verre et. Ah, eux, ils prennent le pied du joueur, le pauvre. Mais donc, en Argentine, le foot est une institution. Vu que pour eux, bah, la pop culture, c'est tout ce qu'est le sport. Mm-hmm. Donc, dedans, donc, ça regroupe pas mal de sports. Nous, je parlerai tout à l'heure, mais on va commencer par le foot. Donc, il y a deux très grands joueurs argentins qui. Bah, un qui est mort, Diego Messi Maradona. Et Maradona. Oui, merci Teddy. Non. Il m'a tout niqué comme ça. Donc Diego Maradona. Il a un sourire énorme, il est content de son coup. Hein. Qui, en palmarès, on peut dire notable, a eu une Coupe du Monde. Qui se déroule tous les 4 ans, qui est le trophée suprême pour les. Pardon, pour les footballeurs. Ouais. C'est vrai. Et Lionel Messi, donc, qui est le recordman de Ballon d'Or. Qui est l'indistinction individuelle. Il n'y en a pas un qui vient d'avoir. C'est pas lui qui vient d'avoir si. Un truc ? Ah, d'accord. Si, même si le dernier. Encore ? Est mais controversé, c'est triché, mais. Oui. D'accord. Ouais, t'as quelque chose à dire sur ça ? Bah, c'est pas lui qui aura dû l'avoir. Ah, le Ballon d'Or, c'est pas celui qui marque le plus de buts en saison ? Non. Alors, le ça. Ballon d'Or, normalement, c'est le meilleur joueur sur toute la saison. Sauf qu'on va dire que l'année dernière, il a été annulé pour des raisons soi-disant de Covid. Alors qu'il y a que 3 championnats en Europe qui se sont arrêtés, c'est l'Autrichien, le Belge et je crois un autre totalement perdu. Donc on va dire pas des joueurs qui se battaient pour le Ballon d'Or. Ouais. Mais pour moi, bon, c'est plutôt Cristiano Ronaldo et Messi n'étaient pas en course, mais bon, ça c'est un autre débat, on va dire. Et donc Messi vient d'avoir son 7e, ce qui en fait le recordman absolu. Ouais. Et donc le foot est une vraie institution là-bas. C'est comme au Brésil, c'est une religion. Limite. Ouais. À l'école, tu joues au foot. Tu nais avec c'est un ballon presque ça, quoi. C'est ça, un ballon. Les filles aussi ou que les garçons, justement, tu penses ? Alors, est-ce que tu t'es posé la question ? Peu que j'ai vu. Ouais. J'ai vu surtout des garçons. D'accord. Mais après, il peut y avoir des filles aussi. Mais là, je m'avancerai pas vu que j'ai pas réussi à trouver suffisamment d'infos. Ok. Donc, C'est pas deux... posé la question. Bah, moi, oui, tu vois, je me la pose, je me dis peut-être que c'est aussi un sport de nana, quoi, finalement. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans un autre pays. Alors, je saurais pas vous dire, mais j'avais vu un reportage sur un pays pauvre où les filles, pour se sortir de la rue, de la misère, ouais, etc., avaient créé un club de foot pour les. T'as les États-Unis qui sont toujours très très forts en foot féminin. Ah, ouais. Mais nous aussi. La France n'est pas à dénigrer, notre football féminin est excellent. Ouais, mais il est en dessous des États-Unis quand même. Ouais, non. Moi, j'adore le football féminin français. Est-ce Castagne et tout, c'est ça, t'aimes bien? Au moins, mouille le maillot. Dessus, mais tu sais, avec respect, c'est au trop. Au moins, mouille le maillot. Oui. Et on diffuse quand même un peu plus qu'il y a quelques années. Ouais, où que ça, ça mériterait largement d'être plus vu d'ailleurs que le football français. Enfin. Ouais, masculin. À ce point ouais, franchement, ça, moins, c'est bien plus maillot. Beau. C'est quand ils y vont, elles y vont. Ouais. C'est beaucoup. C'est vraiment sportif en fait. Plus technique, plus sportif, plus moins. M'as-tu vu moins, ouais. C'est un sport d'équipe qu'elles font. Ouais, elles jouent quoi. C'est un vrai sport. Ouais, elles jouent. Il y a un autre sport qui prend beaucoup de place en Argentine aussi. Le handball. La radio. Perdu. Le vol. On a dit la fraude tout à l'heure. Argentine. C'est un truc spécial. La poudre. La danse. C'est général, la danse argentine. En on l'a en France. Le rugby. Le tango argentin. On en reviendra plus tard au rugby. Le tango. Le tango argentin, c'est très connu. J'ai pensé à la danse. Ouais. Non. Non, toujours pas. Il y a une petite balle pour jouer. Tennis. Oui. Le tennis. Il joue au tennis. Oui. Avec notamment donc un grand joueur et une grande joueuse. Là, j'ai réussi à trouver une joueuse. Donc, grand joueur, c'est Guillermo Vilas. D'accord. Qui a eu 60. Je le connais pas. Qui a eu 62 titres dans toute sa carrière. C'est un joueur des années 70. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc il y a eu 4 titres du Grand Chelem. Mm-hmm. Donc, c'est bien, c'est pas rien. Ouais. Voilà. C'est une référence, ouais, d'accord. Voilà, donc il a eu ça. Et la joueuse, c'est Gabriella Sabatini. Ok. Ça sonne italien. Ça se joue en deux ou c'est seul sur le... C'est seul. D'accord. Ça peut jouer en double aussi. Sur le terrain, non, mais je veux dire en tu vois, en tu peux être en double. Ouais. Daniel, tu m'avais raconté une anecdote avec Sabatini, je crois. Oui, Sabatini. C'était quoi déjà? Était tellement connue, cette joueuse. Que bah d'ailleurs, il y a eu pour Steffi Graf aussi l'allemande, elles étaient rivales à l'époque. Mmh. Les voitures, des marques de voitures ont sorti des séries spéciales au nom des joueuses. Ah ouais? Pas des joueurs, je dis bien des joueuses. Ça rigole pas. Ouais, ah ouais, non, mais oui, Gabriella, c'est dire la renommée qu'elles avaient. Et Gabriella Sabatini avait une renommée. Alors pourquoi elle, c'était pas la meilleure joueuse? Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, elle était sympathique, elle répondait aux journalistes, elle était. Ouais. Parce que t'es normal, pas, quoi. Alors... T'es pas sympathique quand tu réponds pas aux journalistes. Pas forcément. Il y en a, oui, bah, qui veulent pas. Garde Ibra, en joueur de foot, il est pas. C'est un connard dans la vie, c'est tout. Ouais, voilà, il est pas très sympathique. Ah ouais, il y en a pour de sales images, quoi. Zlatan, il parle. Ouais. Mais oui, c'est vrai que Zlatan n'est pas réputé comme un tendre. Non. C'est vrai qu'il est réputé. Ça a l'air d'être un connard, hein, quand même, clairement. Bah, quand tu le vois, oui. Oui, clairement. Après... Dans les pubs, ça va, dans les pubs à la télé. Oui, mais une pub, ça, ouais, une pub, ça fait pas une définition d'être bien. Une pub, t'es obligé, autrement, si tu veux avoir ton cachet à la fin. Il y a la réputation d'être un connard. Mais bon, sinon, t'as un autre cachet pour te calmer. Ouais, c'est ça. Donc, tu voulais parler du rugby tout à l'heure, Daniel ? Oui, peut-être. Je sais que, bon, je connais pas c'est vraiment étonnant, de grands grand ouais. joueurs, mais je sais que chez eux, le rugby, c'est hyper ils important. Ils aiment bien. Ouais. Ouais. D'accord. Et la raison est toute simple, c'est que beaucoup de Français du Sud ont émigré en Argentine. Et en même temps, ils ont amené le sport du Sud d'accord. de la France. Est-ce que tu saurais me dire à partir de quel top ils font partie, l'équipe nationale d'Argentine ? Le top, au troisième top, il sera non. exactement... Non, c'est top 5 non. Alors j'ai top 10 moi. Bah voilà. Ouais, top 10 sûrement. Ouais. Justement le surnom de l'équipe est Los Pumas. Les Pumas, ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, après en autre sport, on va dire, où ils sont pas mal, il y a la F1. Ah bon ? En sport automobile, oui, sans ils ont déconner. Eu. Oui, ils ont en eu fait, des records. Ils ont eu, hein. Ah, c'est Speedy Gonzalez qui les a inspirés. De non, suite. Ça c'est le alors, Mexique. Ouais. Speedy Gonzalez peut-être, mais là c'est Juan Manuel Fangio. D'accord. Alors, je t'avoue que pour faire starter le lundi de 21h à 22h, on n'a jamais parlé de voiture argentine. Non, mais là, ça c'est pilote. Ce serait pas bête, en fait, de prendre un sujet de. Bah, je suis pas sûr qu'ils ont des trucs, des pointures, tu vois. Bah, écoute, ils font de la F1, c'est déjà pas mal. Non, plus maintenant, c'était le premier quintuple champion du monde. Mais non, mais il me donne les infos. Ça a été le premier de l'histoire. Ok, c'est le premier. Tu coupes le micro. C'est le premier quintuple, hein. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Non, mais c'est quintuple, hein. Ça a été longtemps, il a été longtemps tout seul, là. Oui. Ouais. D'accord. Avant d'être égalé. Quintuple, c'est 15 au cas où, si les gens. Non, c'est 5. C'est 5. Ah mince. Apprenez à compter avec Teddy sur une. Pourtant, Teddy, il est bon en maths à la base. Oui. Hein. C'est du français, ça se peut pas dire que compter. Ça. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Ouais. Bah, j'espère que tu ne pas dans la boulangerie. Non, bah alors, si jamais vous allez le voir. Je quintuple pas, merci. Tu fais pas des quintos, des quintuples. Non, mais le problème. tu vas le voir, tu lui demandes 5 baguettes, il t'en donne 15, il t'en vend 15. Hein, ah merde, c'est bien, ouais. Hein. Ouais, parce que ça s'appelle être un commercial, ça. Ouais. Oui. Une achetée trois offerte. Pourquoi pas? Non, c'est l'inverse en règle générale. Mais bon, peu importe. Et sinon, on revient. En Argentine, ils font pas de pain. Non. T'avais après, fini ton rugby, ouais. Oui, on va dire, bon, il y a le rugby, après, bon, il y a le nourriture avec les bœufs qui sont succulents, apparemment, les bœufs argentins. Mmh. Oui. D'accord. Et ce sont aussi, comme les Sud-Africains, des spécialistes. Quelqu'un connaît du barbecue argentine? Bah, ils mangent pas des haricots? Non. C'est pas eux qui mangent un peu aussi des haricots rouges? Bah, c'est des... C'est un peu... Mais... Ah. Ouais. Je saurais pas dire... Non, haricots, non, haricots rouges... Non. Japonais. Mais non, non, non, non, il y en a aussi, mais... Entre Argentine et Mexique, ça, des fois, on confond... C'est haricots rouges. Là, ce à quoi tu penses, c'est un dessert japonais, non? Oui, avec de la pâte de haricots. Ouais. Oui, mais je parle du pain aussi, font haricots rouges. En Amérique du Sud, on imagine les épices se dire quasi immédiatement. Maïs. Le chili, d'ailleurs, qui vient de là-bas, c'est haricots rouges. De chili. Ouais, non, mais ça vient de là-bas, l'épice, c'est à Chili. D'accord. Les îles c'est en Argentine, aussi. Le Chili? Non, c'est à côté. Non, c'est un pays. Non, c'est à côté, mais c'est un pays. Du coup, le, attends, le maïs. Le pire, j'étais peut-être. En train de me dire. Attends, mais. Oui, le maïs, oui. Il ouais, m'a mis un doute en plus. Le maïs. Ouais, le maïs, ouais. Ouais, c'est... Le riz aussi, le maïs, peut-être ouais. Qu'ils ont un peu de riz. Pas le riz asiatique, mais le riz long, enfin blanc, là. Non, je crois pas. Non, ils ont pas de riz? Non. Ah. Bah, qu'est-ce qu'ils mangent d'autre? Oui, il en existe des centaines, des milliers de variétés de riz. Bah oui, c'est pour ça. Oui. Non, mais c'est pas vraiment quelque chose de j'ai pas chez... J'ai pas l'impression qu'ils sont connus pour leur gastronomie. Je non, c'est pas... Ils sont plus connus pour le sport. Si je me balade dans une grande ville, je vais pas voir un restaurant argentin. Eh ben, moi, je suis sûr qu'il y a des choses à manger de succulents là-bas. Mais et toujours. Il faut y aller, quoi. Dans voilà. Tous les pays, il y a des spécialités, évidemment. Ouais. Ouais. Juste pas pour ça mais c'est pas la référence, pour le coup. Est-ce qu'il y a de l'argent en Argentine? Oui, mais c'est vrai que... Les costumes, tiens, par exemple, ça doit être une référence. Ils ont des super costumes, par rapport à la danse, déjà, je pense qu'ils sont pas mal. Il doit y en avoir. Au tango, oui. Oui. Mais bon, je pense que ça, pour les costumes, c'est plus le Mexique, quand même. Ouais. La façon dont ils se logent, peut-être, ils ont peut-être des constructions différentes de nous, je pense. Pas, parce que le terrain est pas le même, déjà. Ouais, bah, le climat, plus... tout ça. C'est plus... aride. Comment on... Voilà, merci, t'as dit. C'est ça qui est chaud. Oui, un peu plus. Ouais. On va dire un tout petit peu. Tout petit peu. Sauf la partie complètement au nord qui avoisine, qui est proche de cette partie d'ailleurs légère de la forêt amazonienne. Donc, mais la, c'est la grosse partie, ouais. La grosse partie, le sud avec la Patagonie, après qui commence à être froide sur le sud, ouais. Parce que là on est au large de l'Antarctique. Après. Donc t'auras pas de neige en Argentine. Si, tu peux. Si, sérieux, tu te lèves quand même sur les monts, quoi, ouais. Surtout sur les monts, sur la cordillère des Andes qui est sur la frontière. Ah ouais. Oh là là, ouest. Ça fait rêver, ça vous fait pas la rêver. La frontière ouest avec le Chili, oui. Ça doit être génial. Si, si, si, bah, si. Donc tu peux emmener une petite lème en Argentine. T'as intérêt dans les endroits où tu vas, ouais. Ça dépend où tu vas quand même. C'est pas là-bas qu'il y a les lamas aussi, visuellement. Non. Si, il y en a surtout. Bah, y en a. Si, si, il y en a. Serge, partout. Le lama. Non, mais c'est. Il y en a pas mal là-bas. D'accord. Non mais au niveau climat, enfin à partir du moment où on est dans des zones désertiques, il faut penser. Oui, nous on pense le jour tu vas avoir très très chaud, mais quand la nuit se couche, tu peux avoir la des variations très de température. Aussi, hein. Les zones désertiques, oui, c'est souvent le cas, souvent même où quand il fait chaud le jour, il fait froid la nuit. D'ailleurs, c'est assez souvent le cas. On peut super même grandes amplitudes, hein, plus 50, moins 40, enfin des trucs. Tout ce qui est désertique, oui. On peut même rajouter une petite précision sur le terme désert. Désert, ça désigne pas quelque chose de forcément chaud. Désert, non. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, ouais. Voilà. Ouais, ah bah, ça peut... En Antarctique, c'est un désert. Désert. Pourtant, il fait pas pourtant, spécialement c'est un... chaud. Ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la Creuse, c'était un désert. Non. Allez, je reprendrai juste ton. Il n'y a pas de vie parce que la dernière peu, émission. C'est moi, c'est moi. Une dernière émission qu'on a faite sur les pouvoirs naturels que j'avais pris. Je suis allé dans le désert justement pour voir qu'il y avait de la vie. Qu'il y avait des plantes qui s'étaient super acclimatées. Qui s'adaptent notamment dans le désert. Et d'ailleurs, si on veut retrouver ça, c'est où? En podcast, vous allez sur les podcasts, allez taper directement www.indestar.fr. Ouais. Vous avez un menu tout en haut avec le podcast au milieu, et puis voilà. Et d'ailleurs, Thierry, je vais te poser une question. Te sugiero que escuches música. Ah, je te suggère d'écouter de la musique. Et merde. Ouais, mais oui, parce que tu prononces ça, tu prononces ça à l'espagnol. Ouais, mais du coup, c'est mieux écouter. Quand même. C'est mieux que. Si, señor. Ah. Bon, por favor. Il est d'accord. En Indestar. Mais du coup, t'es multilangue, Thierry, toi. Tu sais parler de. Oh, multitâche aussi. D'accord. Quand parles anglais, tu parles toutes les langues. D'accord. Dans quel sens, tâche? Oui, mais là, on va peut-être écouter Dua Lipa avec Ava Max. Ah non, je te rassure, c'est pas peut-être. C'est sûr. On est certain. C'est pas faux. Et c'est sûr. Indestar. Les. Pika. PK. PK. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. PK Avenger sur Indestar de 21h à 23h. Ah, jusqu'à 23h, on a On va déborder ce soir. Bah, de toute façon, comme toujours, il y aura notre demi-heure de retard. Oui, bah, c'est pas grave, on s'amuse bien, c'est le plus important. Mais Teddy, par contre, toi qui es le producteur de PK Avenger 2.0, tu pourrais pas apprendre à Pika bien dire? Ouais, ça serait pas mal. Mais faudrait il est mignon. Que tu le dresses un peu. Mais il est mimi, hein. Oui. Mais bon, là, on s'est un peu écarté. Après ce petit voyage en Argentine, Océane, tu vas nous emmener au pays de la pizza. Eh oui. Pizza, pepperoni. Quand je vous dis Italie, vous pensez à quoi? Ah, pizza de suite, c'est clair. Pizza, oui. Pizza, les pâtes. Ouais, il y a plein d'autres choses aussi. Par exemple, le Colisée à Rome aussi. Ouais. Il y a la tour de Pise. Oui. Ouais. Il y a la pizza. Le pesto. Oui. Ah, ça aurait pu être la tour de pizza. Ils auraient pu faire un mix. C'est quoi ta pizza préférée? Faire de la pizza dans la tour de Pise. Est-ce que c'est la pizza océan? Non, moi j'ai l'hawaïenne. Avec de l'ananas. Quoi? Attends. Tu présentes quelqu'un de bien. Là, faut... quelqu'un de bien. Non. De l'ananas sur une pizza, ça ne peut pas être quelqu'un de bien. Si, c'est très bon. Tu présentes l'Italie. Et tu présentes la Hawaïenne. Et tu dis la Hawaïenne. C'est bon la Hawaïenne. Non, mais. Oui, mais non. On va aller dire la napolitaine. C'est un hommage à Daniel. Je m'en fous que ce soit. Non, mais. Non, on peut pas laisser dire. Tu y as demandé ses goûts à elle. Ils sont pas obligatoirement italiens. Je m'en branle de ses goûts. Mais après aussi, il y a la chèvre. Elle est pas à elle et pas à moi. Non. Oui, ça parle d'Hawaïa. C'est pas parce que j'ai présenté la France que j'aime la France. Non, ah, merde. Sinon, t'as une deuxième préférée pour. T'as une deuxième préférée pour sauver tout ça? Après, il y a la calzone aussi. Ah, ouais, mais du coup, ouais. Ouais, mais ça pardonne pas tout. C'est bien, en hiver, tu mets tes pieds dedans, ça réchauffe. C'est chausson, ouais. Ça pardonne pas tout. Donc, t'as mise à part. Tu avec une calzone au pied, toi, on dirait. Au pire, on peut faire. Tu mets beaucoup de fromage pour que ça tienne. Oh, oh là là. Quelle ils sont partis. Ah, c'est après, pour ça qu'il y a un problème d'odeur, d'accord. Ouais. Allez, on te laisse parler, va. Vas-y. Attends, on va faire un petit tour de table sur les pizzas. Franchement, c'est une institution en Italie, les pizzas. Bah, c'est même plus une institution à ce niveau-là, en vrai. Il y a des bases pour savoir qui est-ce qui a inventé la pâte à pizza. Oui. Mais France ou Italie? C'est la France. C'est une erreur. Mais oui. Je ne m'aventurerai pas si, dans ce si vous vous rappelez l'invité musical qu'on a eu, qu'on avait pas avec oui, nous, mais Lila, qui était de Paris là. Elle a voyagé en Italie et elle nous disait pour aimer la pizza. Déjà, si tu aimes la pizza de base, la margherita, hein, une margherita bien faite. Hein, c'est vraiment le voilà. Dans un resto, si tu veux tester un resto italien, tu testes déjà la margherita et tu vois déjà ce que ça donne. Ouais. Parce que tu te dis, c'est le savoir-faire qu'on apprend. C'est la base. Hein, Donc toi, ce serait la margherita, Thierry. Pas forcément. Enfin, moi j'aime bien tout, mais j'aimais surtout. Il y a une époque où j'avais des amis que j'ai rencontrés dans les débuts d'Internet, grâce à Internet, et on s'était rencontrés et on faisait des méga pizzas en fait, où on mettait du steak haché, mais en grosse quantité. Ah, ouais. Et on rajoutait. Enfin, on achetait une pâte de base et puis on se faisait le truc ensemble et on adorait ça. Ça coulait partout, c'était super. Ça, c'est une bonne chose. Au moins, il n'y avait pas d'ananas. Daniel, t'as une pizza préférée? Alors moi j'ai deux versions préférées. Alors soit tout simple, jambon fromage. D'accord. Ouais. Ou alors aussi j'aime bien quand il y a du chorizo dessus. Ah, faut que ça pique. Ouais, ça donne un autre goût. Le chorizo amène un autre goût, donne un autre goût et ça j'aime bien. Par contre c'est vachement gras. Ouais. Aussi. C'est le problème, c'est pour ça que j'en fais très peu moi parce que c'est trop gras avec le chorizo. D'accord. Toi Linda? Moi j'aime tout, par contre j'ai un bon souvenir, c'est quand j'étais plus jeune, avec ma meilleure amie, on allait chercher des méga pizzas, genre elle faisait XXL quoi, on mettait ça sur le tableau de bord et on mangeait ça à deux, c'était l'éclate. Bon c'est sinon j'aime beaucoup le fromage sinon dans les pizzas américaines peut-être non je ne sais pas c'est mais les pizzas qui sont plus grandes où ils se font ah des ah non c'était un français un bon français qui faisait t'en ça en France aussi non, ouais. Que quand, ouais quand disons que c'est vraiment l'américaine qui ressort ouais, ils aiment bien tout ce qui est XXL ouais. Parce que ouais. Oui quand tu vois dans les séries américaines burgers toi Teddy moi oh la dit fromage ah ouais moi plus il y a de fromage il y a plus de goût après on a vu une publication il y a pas très longtemps ou un message que tu avais envoyé où il y avait de la raclette sur la pizza en plus de ce qu'il y avait déjà oui bien sûr il y a de la d'autres fromages hein, clairement il y avait vraiment d'autres fromages oui, c'est fromage sur fromage ouais mais après c'est aucun intérêt t'as pas le goût. C'est pas grave. Ah non le fromage c'est après, bon t'as le goût du fromage c'est ce que oui, le max c'est 4 fromages. Oh, il y a 5, 7, 50. Max, 4 fromages. 50, ça fait peut-être beaucoup quand même. Kilos, hein. C'était un record. Tu peux en mettre des kilos hein, si tu veux, des fromages en mettre. Si 4, tu fais une pizza Tour de France avec 500, je sais pas combien de fromages. Ah bah là, c'est. Ouais. La pizza française. Non, c'est pour celle au jambon de Parme. Ah ouais, toi t'adores jambon ça, Parme, toi. Ouais, j'adore. Et toi, Kevin, du coup? Alors moi, ce serait chorizo et chèvre. Ah bah, comme papa, quoi. Bah, chorizo, chèvre. C'est plus... Chèvre, ouais. Il a rajouté. Ouais, non, mais... chorizo ah, et... Tu mixes pas les deux? Non. Ah bon? Non. Ah. Non. Ça peut se faire, hein. Non, c'est non. Bizarre. Non, je suis d'accord. Quand on fait des recettes voilà. Maison, il faut faire très attention. On a déjà eu pizza hawaïenne, ne va pas mélanger le chèvre. Oh, et... Ah ouais. Oui, t'imagines du Saint-Maur avec du chorizo, s'il te plaît. C'est bon la hawaïenne. Ben, un chorizo AOP, ça marche. Quand on fait des pizzas maison, il faut faire très quoi attention avec les, attends, avec les choses qui sont un peu salées parce que si on les passe trop au four, le sel prend beaucoup. Donc les fromages de chèvre, si vous faites vous-même, mettez à la dernière minute. C'est vraiment à la fin. Faites pas forcément complètement fondre, comme tous les jambons qui sont secs, hein, qui sont salés. Ouais. Si et, on oui, tu le basilic, cuisson, pareil. C'est sec et c'est salé. Le basilic, mais... pareil, faut pas le mettre à la cuisson. Faut le je crois mettre qu'on après. Serait un petit peu éloigné. Ouais. Mis à part bon, la pizza, non, on reste en Italie. Non, mais je crois qu'on aime manger. En fait, on est des bons mangeurs. Mis à part la pizza, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le tiramisu aussi. Ah, ça c'est bon, c'est magnifique ça. Bah, j'en ai fait un il y a pas très longtemps à des copains. Ah, c'est sympa. Et c'était bon, Teddy. Et tu nous en ramènes. On a mangé du tiramisu chez moi il y a pas longtemps. Le tiramisu, mais pas au café. Non, je l'ai fait au chocolat. C'était très bon. Et nous, on en a pas. Ah bah il faut venir à la maison. Ouais bah nous invite pas, c'est bien. Bah, oui. Ah bah ça y est. On n'est pas invité donc non, on va. De toute façon moi le tiramisu c'est. Tu n'aimes pas, pas. C'est non, vrai. C'est que je le digère pas. Ah. Oui après mieux, ça nous en fait plus. Après faut selon les personnes si elles aiment plus ou moins mascarpone crème fraîche machin faut doser parce que c'est vrai que ça peut être. C'est un peu lourd ouais. C'est à cause de ça justement. Bah, tu peux hein. Ah, lui mettre la raclette dessus. Tu vois, moi j'ai une recette de tiramisu. Allez, je la donne ou je la donne pas? Si, il faut comme tu veux. Allez, je donne la recette du tiramisu que j'ai fait, que j'ai inventé. Ah, c'était attention. Un défi qu'on m'avait lancé quand j'étais plus jeune. Oui, parce qu'il est vieux, si vous le savez pas maintenant. Ouais. Papy Teddy, moins de 30 ans, Teddy, raconte-nous une histoire. Dans la mascarpone, je mettais du chocolat blanc. À la place ah, c'est café, ça que tu m'avais raconté. Du spéculoos. Ouais, ça donnait spéculoos oh, mon Dieu. Chocolat blanc comme tiramisu. Ça peut être lourd, mais ça dépend comment on dose en même temps. Hein. Après, tu manges que ça, sinon c'est bon, voilà. C'est excellent. J'ai fait tiramisu avec spéculoos, notamment au fond. Tu là, mets les ça doit faire un truc un petit tartiner. Peu plus épais. Ouais, ouais pâte à tartiner, voilà. Ouais. Bah, en quantité raisonnable. Mais tu fais une bonne ganache, oui. Sinon mais... c'est mieux. Alors, qu'est-ce que t'appelles ganache, quantité raisonnable? La moitié du c'est pot. C'est ça la question. J'ai un même petit secret, même. Tu prends la pâte à tartiner crunchy. Dedans, ah, ça croustille. Ouais, ça donne un. Ça fait un croquant. Ça donne une différence de texture. Bon, bah on est en cuisine ce soir. Hein. C'était le petit conseil. Du... Bah en même temps, si on est en Italie, on est forcément voilà. En cuisine. Tu me diras oui. Pas le contraire. C'est... Mais c'est intéressant, oui, les textures, si tu veux pas que tout soit complètement mou, hein, d'avoir un petit côté croustillant. Ou alors, faut pas ouais, tremper bah. Trop tes biscuits parce qu'ils vont. Si tu... En plus, ils le tiramisu, si tu, bah, plus trop, tu le gardes, ouais. Plus ouais, ça va s'imbiber. Ouais. Par contre, ça peut prendre des goûts intéressants, genre le lendemain aussi. Oui. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de plats qui sont meilleurs le lendemain. À part le tiramisu, c'est un, il y a quoi après? La bruschetta aussi. Ah, c'est bon ça aussi. C'est l'espèce de pain ou... Les tartines ouais. Les c'est tartines, ça, oui. Ouais. Ça reste des pizzas en vrai pour moi. C'est pas pareil. Ouais. Oui, mais ça, c'est une base avec et en français, du fromage. On dit comment? On dit la bruschetta. La bruschetta. En bon français, c'est dégueulasse. C'est vraiment moins joli déjà. Ouais, non, c'est moins sympa quand même. Bah oui. Après, bah, y a que... pour l'instant, il n'y a que ça. Donc en fait, les Italiens, il y a que ça. Donc, voilà, le reste c'est pas intéressant. Disons que ça, c'est connu dans, ouais, dans le monde le, entier. Ils auraient pas genre le. Et on sait qu'ils ont le savoir-faire. Ouais, le fromage. Alors, ce que Océane n'a pas dit, c'est que après, on mange. La mozza alors, aussi du bufala, je crois, de mémoire. Ouais aussi. Donc il y a ça. On va commencer avec la pizza. Vous savez où elle est née la pizza? En France. À Naples. À Naples. Naples, ouais. En Belgique Napoli. Avec les frites. Une ouais. Fois, une deuxième fois. Il faut savoir que Naples, du coup, c'est au sud de l'Italie. Oui. Ouais. C'est la plus consommée, c'est la tomate mozzarella. Ton micro, il se balade à côté de toi, c'est ouais. Bon. Faudrait qu'il reste en face de toi. Ce serait pas mal. Vous savez pourquoi le drapeau de l'Italie il est blanc, il est vert, blanc, rouge? Parce que bleu, blanc, rouge, c'était déjà pris. Moi j'ai, une blague, moi j'ai une blague parce que ça fait une belle Naples. Oh, oh. C'est, bah, c'est les, cou- c'est les c'est couleurs qu'on peut retrouver sur la pizza aussi, je sais pas. C'est ça. Oh, wow, ouais, trop ouais. Bien. Tu le retrouves du blanc? Le non, vert, c'est le, la base. Le bah oui, quand ça moisit au bout d'une semaine. Le vert pour le basilic. Ouais. Ouais. Le blanc, la mozzarella. Ah et bah le oui. Rouge pour la tomate. J'ai ah dit oui. Ça au pif, c'est trop bien. Elle est où la pâte? Tu l'as dans la elle tête. Est en ouais, c'est. C'est des éléments. Pas. Alors les de grosses la pizza. Discussions, pâte fine, pâte épaisse, pâte. Croustillante, pas croustillante. Alors l'audio, ah, Lila. Moelleuse dessus, croustillante en dessous. Lila, l'audio a dit qu'une vraie avait une chez en Italie était hyper fine et croustillante. Oui. Ouais. Bon, je suis pas fan. C'est pas celle que je fais. Bon, nous en bon français. On aime le fond alvéolé. Mais Lila, si je vais en Italie, j'irai goûter. Je te promets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dis-nous. Ensuite, le tiramisu aussi. Oui, ouais, ça. Du coup, il est au début des années 80. La popularité du tiramisu, ça affectait tout le monde entier. Donc tout le monde en faisait partout dans le monde. Ouais. C'est le dessert le plus culte dans les restaurants. C'est facile à faire en vrai. Et la pizza au tiramisu, c'est bon. Oh. Bah, remarque, ça peut faire une pizza succès. Et flamber à l'omelette norvégienne. T'as aussi la panna cotta au dessert italien aussi. La panna cotta aussi, ouais. C'est marqué partout. On en fait partout. Hein. C'est facile aussi. La panna cotta, c'est un genre de lait que tu fais prendre en fait. D'accord. Et tu mets un petit coulis dessus de fruits rouges, par exemple. Voilà. Ok. C'est comme le yaourt grec, quoi. C'est pas pareil la texture. Plus, hein. Plus, non, c'est pas pareil. Ouais. En plus italien. Ouais, c'est crémeux, je dirais. Ouais. Après ça. Après, on a le pesto. Ouais, c'est ça c'est bon. Du basilic avec de l'huile d'olive. C'est quoi, cette ouais. Alors, on peut le faire verde ou rosso. C'est vrai. Faut savoir que dans le pesto, il y a du basilic. Ouais, ça jusqu'à là, ouais. Parmesan. Des pignons de pain. Ouais. Ça va. Il y a quoi d'autre dedans? Même recette, ouais, ouais, ouais, je suis d'accord, c'est excellent, bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. Après, on peut le manger avec des pâtes. Oui. Bah, c'est le plus connu, ouais. Une pizza aussi, ouais. On peut mettre un peu. Les pâtes déjà en Italie. Après, ouais. On peut mettre aussi sur les tomates mozzarella aussi. Ah ouais, miam miam miam. Avec la petite feuille. Ah non, moi je barre là. Ça y est, t'as donné fin là. Ah ouais, non, Linda, mais... c'est fini. Ah bon, mais le pesto, même la petite cuillère à froid dans le pot, moi je te mange une petite cuillère. Faut faire attention, c'est salé avec le parmesan par contre. Hein. Et puis sur vous savez, les tartes soleil qu'on fait avec des pâtes feuilletées, on découpe des bandes en forme de soleil et ouais. Puis on met du pesto et on roule chaque rayon du soleil. Ouais, ça fait un soleil. Ah ouais. Tu peux même le faire en sapin actuellement, on pourrait le faire en sapin aussi. Ouais. Certes. C'est facile, c'est convivial. Ouais. Bon, par contre, c'est vrai que le côté salé, ça te fait boire. Quoi. C'est l'effet de qu'est-ce que t'as d'autre si de bon? Si tu vas au resto, t'as les notes salées. Alors, ouais, toujours. Donc, ça te prépare. Là, on va quitter le côté gourmandise. Gastronomique. Ouais. Ah bah, ça m'intéresse plus. Bon bah, la porte est grande ouverte. Hein. On va aller voir un peu ce qui se passe pour aller visiter les monuments. Ouais. On va aller voir la tour de Pise, peut-être. Ouais. Ça vous dit? Oui, je vais bien, mais je me suis toujours posé une question. Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre la tête de travers pour bien la regarder, pour la voir droite? Bah non, si t'as déjà un penchant. Remarque, après, t'as un fils qui est monté à l'envers, donc faut peut-être que je lui penche pour pouvoir bien voir. Est-ce que tu sais si on peut rentrer dedans? Est-ce que ça se visite? Non, c'est pas du tout. Ça dépend. Il y a des périodes. Elles sont souvent arrêtées en vrai. Je sais qu'il y a eu. Il y a des périodes. D'accord. À cause du sol. Et elle est régulièrement contrôlée. Est-ce qu'elle peut tomber éventuellement? Le sol peut s'affaisser. D'accord, plus, donc c'est dangereux. Ouais, en fait. Alors, la question c'est quand tu visites la tour de Pise, est-ce que tu as le droit d'aller d'un côté pour faire contrepoids? Ils ont essayé avec le Titanic, ça n'a pas marché. Non. Je sais qu'il y a eu des travaux de rénovation pour la tour de Pise, mais je sais pas. Pour la fixer un peu. Je sais pas comment ça peut être possible de la redresser en fait. Non, mais il faut pas la redresser. Par en dessous, ils arrivent à. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Le monument, c'est pour ça qu'on l'aime bien, c'est parce qu'ils se pètent la gueule en fait. Au début, je pense pas qu'il l'aimait parce qu'elle se pétait la gueule. Non, mais c'est ce qu'il la représente quoi. S'il la relève, c'est pas drôle. Si tous les monuments sont célèbres parce qu'ils sont mal foutus. C'est vrai qu'il faut examiner les fondations. Ah. On a fait un direct dans un tout petit monument à Amboise. Il n'y a pas très longtemps. Et bah oui, il faut contrôler les fondations parce qu'autrefois, on faisait des fondations en bois. Donc, tant que ça baignait dans l'eau, ça allait. Mais quand il y a eu des problèmes. Ça dépend le sol, ouais. Donc, mis à part la tour de Pise, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Colisée aussi à Rome. Bah, ouais. Le Colisée? Le Colisée. Colisée. Oui, j'ai mal entendu. T'as l'Élysée à Paris et le c'est Colisée. C'est pas pareil, mais ouais. Ouais, c'est pas. Qu'est-ce que peut-être un qui est en meilleur état que l'autre aussi. Savez... Les gens qui sont dedans surtout. Vous savez en quelle année il est construit ou pas? Non, dis-moi. Ça date. Hein, oui. C'est du temps de l'Empire romain. Moins 20. Au 1er siècle. D'accord. Avant Jésus-Christ. Ok. Moins 1. Le premier siècle, oui, c'est entre la République romaine et puis l'Empire romain. Alors, et vous savez pourquoi il est cassé ou pas? Bah parce qu'il est vieux. Ouais. Et qu'il est toujours, il est intact ou pas? C'est intact? Ouais, il est intact. Ouais. Ouais. Il manque rien. Certes. D'accord. Ouais, un peu. Il manque que ce qui est tombé. Ouais. Il a été longtemps abandonné aussi par certaines périodes. Il n'a pas toujours été. Bah là, il est touristique. Bah non, évidemment. Oui, époque, oui, on prenait. Il y a eu certaines époques. On faisait pas attention aux monuments historiques. De toute façon. Et dans certains pays, quand on change de gouvernement ou de religion, ben on détruit tout. C'est là, ça, oui. On a encore la chance que ça existe. Ouais. C'est vrai. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau en Italie? Après, pour les amoureux, il y a les gondoles aussi. Ah. Les gondoles, c'est à Venise plutôt. Ouais. Venise, ouais. Alors, avant qu'il continue trop, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Ouais, mais je m'excuse quand même auprès de tout le monde, vu qu'il n'y aura plus d'oreilles à la fin. Oui, bah enlève tes oreilles, comme ça t'auras pas de problème. La vraie ville de l'amour. C'est ça. Oui, pas Paris. Ah, c'est pas forcément ce qu'on voit. Paris. Pas enfin, ça fait gros guichet, ça fait gros embouteillage, surtout parce qu'il y a tellement de gens qui y vont pour ça. Ouais. Mais moi, j'ai vu un truc comme quoi ils commençaient à râler parce qu'il y a trop de gros bateaux autour, en fait. Et du coup, c'est moche maintenant, Venise, c'est plus aussi beau qu'avant. S'ils ont pas été interdits. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tu sais, il y a un truc qui m'a choqué, j'ai vu aux infos, il y a des portiques et tout pour entrer maintenant. À Venise, dans l'eau. Pour essayer de. Parce qu'ils veulent pas justement qu'il y ait trop de monde. J'imagine. Donc surtout, compte les gens et. Surtout sur la partie dite. Submersive. Ouais, Arisque. Faut peut-être pas qu'il y ait trop de poids, tout ça. Bah oui, aussi, il y a le problème des poutres, il y a tout ça. Et puis bah pour la propre. Et quand on se rapproche avec des gros bateaux, on fait des vagues. Donc ça doit polluer. Ça vient abîmer les fondations. Ouais, ben. Certes. C'est joyeux. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre encore? Mise à part Venise. Après, il y a Rome. Elle arrive pas à se relire. Il y a Rome, mais qu'est-ce que tu veux nous dire de Rome? Non, Rome, c'est dans les îles. Rome, c'est dans les îles. Non, mais allez, laisse-la faire son sujet, peu cher. Moi, je me disais que dans les desserts, j'avais envie de manger une glace à l'italienne. Ah mais bon, oui, après, c'est la référence, oui, ça. Pourquoi pas, oui. On part sur manger, quoi, encore. Oui. Oui. Mais après, oui, tu peux manger en visitant. Oui. Donc, comme disait Thierry, aussi les glaces italiennes aussi. Ouais. La plus connue, vanille fraise, me semble. Bah, chocolat. Celle qu'on trouve en France. Ouais, je pense que c'est plus vanille. Ouais. Mais en plus d'être bon, c'est joli, quoi. Tout ortillonné. Ouais. Ça y est. Je pense que Sanaan a raison. Vanille fraise, quand même, la plus connue. Ouais, la plus vendue, surtout. Ouais, la plus vendue, oui. Ouais, mais la plus vendue n'est pas forcément la plus meilleure connue. Aussi. Comme nous, c'est le sandwich baguette jambon fromage. Si on y réfléchit bien, ils n'ont pas forcément de production de vanille, donc forcément, c'est des sports. Autre chose qui, ouais. C'est de l'import, pardon. Ouais. Bah, j'ai jamais vu de. Non. Ils en font pas la tomate parce que les tomates. Ça aurait pu, hein. Mais ça doit être capable. Nous, c'est pareil, on fait de la crème brûlée à la vanille. Pourtant, on n'a pas de vanille en métropole, là. Bah, parce qu'on peut faire crème brûlée. Mais pas obligé à la vanille. On peut faire autre chose. Mais on met souvent de la roue vanille. On en met beaucoup, oui, et puis on triche. C'est vrai. Ah. Donc, à part la glace à l'italienne. Bah, après tout ça. Après le Colisée, Rome. Ouais, voilà. Et ben, moi, je pensais à une fontaine. De Jouvence? Non, de Trévis. Évidemment, très magnifique fontaine avec plein de sculptures dans le fond. Qui était à Florence, je crois. Non, elle doit être à Rome, ou pas loin de Rome en tout cas. Parce que je l'ai visité, j'ai pas été à Florence. Donc c'est tout ce que je peux te dire. Alors, de Florence, je me rappelle pas du nom. Ouais, bah. Ouais. Si tu avais une fontaine, tu as certainement vu des jardins, parce que les jardiniers italiens, enfin, on en a fait venir un aussi dans notre ville. Hein, évidemment. Donc, il y a aussi le Vatican. Les orangers. Hein. C'est pas en Italie. C'est un territoire considéré pour ce qu'il est. Si on parle comme de Monaco, ça, on peut... toi tu m'as parlé du jardinier donc de François Ier, je suppose que tu nous parlais. Don Pacello, on peut parler de Léonard de Vinci à ce compte-là. Oui. On est dans le bon endroit. Le côté artistique, moi je pensais au théâtre, à la musique, à la peinture, il y a plein de Roméo et Juliette. Pourquoi Vérone. Roméo et Juliette. Parce que j'adore cette pièce. D'accord. Les deux familles qui se déchirent pendant des générations et générations. Oui, il y a un truc que vous n'avez pas parlé, c'est de religion. On peut en parler vite fait. Qui habite là-bas? Le pape. Voilà, tout simplement. C'est important, je pense, là-bas d'en parler, qu'il vit là-bas quand même. Oui. Voilà. C'est simplement. Je sais pas si c'est important. Mais... Non, mais c'est un truc à se rappeler quand même. Je dirais dépend pour qui, t'as dit. Oui, c'est vrai. Je dirais plus ça. Ouais. Mais c'est important parce que parce qu'il habite là-bas quand même, donc c'est une référence. Oui, oui, c'est vrai. Mais après beaucoup de choses, alors vous parliez de sport, foot, machin, je me dis les Italiens aussi. Hein, bah peut-être bon. Oui, bah... aussi. Ah oh bah oui, les Italiens le foot. Oui. Très simulation, très simulateur. Oui. Ah bon. Oui. Peut-être pas que dans le foot. Mais oui, il y a même un journaliste à une époque, je sais plus quand c'est, ils avaient réussi à avoir des images d'un entraînement de simulation des Italiens. D'accord. Ouais, ouais, ouais, ils s'entraînaient à tomber, à chuter. Expérience vécue. Ouais. J'ai déjà vu, enfin j'ai déjà fait un match contre des Italiens. Normalement, c'est les skateurs qui doivent apprendre à tomber pour pas se faire mal. Oui. Au foot, t'es pas censé apprendre à tomber parce que ça te sert pas à grand chose normalement. Bah, un tacle glissé. Oui, si t'en prends. T'es pas censé tomber. Mais bon, j'ai fait un match contre des Italiens, des jeunes Italiens, et ouais, ils simulent beaucoup. Hein. Et ils râlent. Hein. Ils sont râleurs hein, aussi. Hein. Ils sont comme nous, hein. Ils ont une grande gueule. Hein. Ah bah les Italiens, on les entend quand ils viennent en France. Hein. C'est vrai. Alors, le soir, quand il n'y a plus personne dans les rues, qu'il y a que des Italiens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut dans la rue à gueuler? D'ailleurs, ils parlent beaucoup avec les mains aussi. Bah oui, tu les vois de loin eux aussi. Tu vois leurs mains s'agiter partout. Bah ils parlent fort avec les mains, hein. Ouais. C'est vrai. Je me demande, Linda. Je me demande mais si... Mais eux, c'est encore plus gros. C'est moi, je me demande si Daniel n'a pas des racines italiennes pour la voix qu'il porte. Attends, je regarde sous mes chaussures s'il y a des racines. Autrement, mis à part tout ça, Océane, est-ce qu'il te reste quelque chose à faire en Italie? Non, je pense pas. Moi, je pensais peut-être aller en Sicile. Ah! Il y a la Sicile. Sicilia. Elle l'a dit. Qu'est-ce qu'on trouve en Sicile, t'as dit? Il n'y a pas grand-chose. Ah, bah d'accord. La mafia? Ah, super! Moi, je m'attendais à autre chose mais en c'est fait. Génial. Je sais plus ce qu'elle nous avait cité, moi. Moi, j'avais dit des citrons, mais elle avait dit qu'il y avait autre chose. Ah. Non, mais ils ont énormément. La mafia. Ils ont énormément de spécialités culinaires. Bah, tu vois, j'avais ça, t'es. Pas le sujet, Thierry, c'est très bien. Comme ça, tu pourras aller revoir les podcasts pour savoir ce que c'était. Voilà. À revoir, mais réécouter. Écoutez. Oui, et... ouais. Allez, voir. Tu vois d'abord sur l'écran à quel endroit il faut cliquer et après tu écoutes. Bah voilà. D'ailleurs, avant de voir sur l'écran, faut aller où pour voir Indestar.fr. Je savais plus. Ouais. J'avais oublié. Y a pas de souci, Teddy. Alors, surtout que c'est pas comme si tu tournais pas la tête et tu avais ce qu'il fallait. Bien sûr. Et nous avons une chaîne YouTube aussi. Il y a pas tout dessus, mais si vous pouvez voir. Des parties de choses qu'on a faites en vidéo. Il y a quand même, je regardais près de 200 vidéos quand même dessus. Bah, c'est les mêmes qui sont sur le site, il me semble. Et il y a un truc extra qu'on a fait vendredi dernier. Oui. On a une petite séquence de 6 minutes de rap. En live. Un freestyle. C'est la dernière chose qui a été publiée sur YouTube, là, et ça a l'air de plaire à des petits jeunes. J'ai vu des petits jeunes de collège là, qui mettaient j'aime. Allez-y. Hein, faites savoir et faites connaître ce petit groupe. Partagez. La Fraud Connection. Ouais, ouais, c'est exactement. Ça. Bah d'ailleurs, en parlant de musique, est-ce qu'on n'écouterait pas un petit quelque chose? Ça a une consonance italienne quand même. Chasing, ah ouais, da Vinci, ça tombe bien. Follow You, qui est. À part que c'est de l'anglais, mais bon. Ouais. Sauf que Da Vinci, oui, c'est bien de l'italien. Hein. Mm. Ça, non, c'est. Non, bon. Ça va pas être ça. C'est celle-là. Ah. First to 11. Ah ouais. Ouais. Ah, bah finalement, pourquoi c'est ça. D'accord. Oui. Bah alors. Oh, bah, c'est encore moins italien. Ouais. Ce sera First to 11, Just a Friend, sur Indestar. Daniel, le plus exotique des animateurs de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul à porter des chemises hawaïennes à temps plein. Nous sommes sur Indestar donc pour PK Avenger 2.0, où ce soir nous parlons pop culture dans d'autres pays. Et puis bon, pour le moment, on a fait un petit tour du monde. On a commencé avec la France, avec Thierry. Et ouais. Moi, avec l'Argentine. Là, on vient de finir notre petit tour en Italie. Et Daniel, tu nous emmènes dans les pays du Nord, il me semble. Oui, je vais traîner ma chemise hawaïenne dans les pays nordiques. Alors, j'ai pas fait qu'un pays parce que Suède, c'était Danemark, trop dur. Non, Suède, Danemark, Norvège. Les Scandinaves. Même, voilà, Scandinaves, il y a quand même pas mal de points communs. D'accord. Je vais parler d'une part de la musique et d'autre part des. Croyances, religions. De tout ce qui est. Pop culture nordique, donc la culture nordique, la mythologie nordique. Et on l'a pas fait exprès, mais c'est sympa parce que je veux dire, on a démarré un peu Europe centrale, on est allé dans le sud et maintenant on va au nord, comme ça on aura fait un peu la planète. Il y a une autre chose aussi bah, qu'on a pas fait. Je dirais même, Thierry, on a démarré Europe, on est parti Amérique du Sud, on est revenu Europe. Et il y a une autre chose aussi qu'on n'a pas fait exprès, oui. C'est que hier soir j'ai vu Actu Solide à parler des pays scandinaves. Il y avait les Vikings hier. Ouais. Avec les Vikings. Mm-mm. On ne l'a pas fait exprès. Ça prenait l'eau hier soir. Alors, qui dit pop culture nordique dit un groupe. Sona Amam, pardon. Non, un groupe mondialement Massage. Célèbre. Ah. Abba. Abba, voilà. D'accord. Abba. Alors, moi je trouve Thierry, je ne sais pas ce que t'en penses, mais ça nous mériterait presque un petit point bonus pour le quiz. Pourquoi ? parce qu'on a trouvé la bonne réponse. Ah, moi je croyais que tu allais dire ça mérite Thierry que tu chantes une ouais, chanson d'abord. Ouais, je m'attendais à non, ça. Non, moi non, aussi. Non. Ils sont nordiques ? Oui. Ils sont suédois. Justement, je vais vous apprendre des choses sur la. Surtout sur la chanson suédoise. Alors, déjà, Abba a évidemment un musée à Stockholm. Ouais. Qui a ouvert ouais. le 7 mai 2013. Un musée sur d'accord. le groupe Abba ? Sur le groupe Abba, oui. Avec les tenues, je suppose, tout ça. Putain, faut vraiment. Il doit y avoir un peu tout, ouais. Est-ce pourquoi que... faire ça ? Je sais pas. Ah, il y a bien les Beatles, à mon avis. Est-ce ah, que ouais. vous connaissez quand même, je veux dire, l'anecdote avec le nom du groupe Abba ? Non, mais tu vas nous le dire. En tout cas, moi, je sais pas, mais quand je vois A, B, B, A, ça me rappelle les rimes inversées ouais. En poésie. Alors, c'est pas ça. Ah bah, les paparazzi. Alors, A, A, B, B, A, ce sont les initiales de leurs prénoms. Agnetha, Bjorn, Benny et Annifrid. D'accord. Wow. Abba, A, B, B, A. Ah, voilà, c'est le Ababa suédois. Ouais. Qui est donc un acronyme de leur prénom. Alors, ils sont appelés Abba. Mais, ils problème. Auraient pu faire Baba aussi. Ouais, bah, il n'avait pas dans le baba, donc... Non. Et quand il manifeste, ah, bah, les babas. Pourquoi pas ? Ouais, mais ils sont pas en France. Sauf qu'il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il y a c'était eu ? C'était déjà pris. Oui, par une conserve de poisson. Je le savais. C'est, c'est pour ça qu'ils ont retourné les autres lettres. Non, non, non, ils ont tout simplement écrit... Alors, c'est Agnetha qui a pris contact avec la société, la conserverie. Ouais. La conserverie a dit, après tout... Ça peut pas me faire de mal. Ah bah c'est clair. Et finalement, ça a pub, vraiment pas fait de mal parce que ça leur a fait aussi une grosse plus pub. Plus 500% de chiffre d'affaires. Et c'est vrai. C'est un vrai chiffre. Alors, si une conserverie s'appelle PK Avengers, ça peut nous faire de la pub. Indestar aussi, éventuellement. Puis si ça peut nous conserver, parce que nous, on commence à prendre de l'âge avec Daniel. Ouais, ouais. C'est on les deux vieux de l'émission. Donc j'ai les arêtes qui plient, là. Alors ouais, je te dis pas, si lui, il a les arêtes qui plient, moi, elles sont déjà cassées en deux. Hein. Voire en trois. Ouais, voire en trois, ouais. Oui. Alors, la Suède, c'est vraiment un pays de musique, de groupe de musique. En 86, on a le groupe Europe qui a sorti The Final comment Countdown. Ah oui The Europe. The Final Countdown. Tu connais ça, Teddy ? Ouais. Alors, je viens de perdre mes tympans aussi. Mais ouais. Je connais aussi. Hein. Ah. Après, donc, il veut dire le compte à rebours final. Oui. Voilà. Ah, c'est merci cool. Thierry de la traduction la traduction en anglais. Ouais. Pour les nuls comme moi était dit. Et en espagnol, ça donnerait je quoi sais pas Kevin ah, il réfléchit. Alors, je saurais plus te dire. Non, mais je sais pas, peut-être le final. Le final, mais countdown, je sais pas. Alors, je saurais plus te dire. Ouais. Les Suédois, c'est quand même des gros malins. Parce que là, je viens de vous parler de Europe, comme on dit. Abba qui fait pas très suédois. Si je vous dis Roxette aussi. C'est pas suédois, ah oui. Et pourtant... Ah oui. C'est suédois, oui. Et donc, il y a eu ça qui... Et d'ailleurs, eux ont même été décorés par le roi Charles XVI Gustave. Le chef nous fait savoir qu'il aime bien Roxette. Alors, il y a eu aussi Ace of Base. Oh, Ace of Base, c'est des Suédois. Ah oui, Suédois aussi. Ah, c'était bien ça à l'époque. Tout ça, alors, j'ai pas fini donc aussi avec eux. Ouais. Tout ça pour vous dire. On était jeunes. Donc, on parle toujours de la musique, de la pop musique américaine, qui est première de toute façon en exportation. Ouais. De la britannique. Ouais. Mmh. Mais la Suédoise n'est pas mauvaise non plus alors. La Suédoise, c'est le troisième pays exportateur de pop culture. Ah ouais. Derrière justement les Américains. D'ailleurs, ces deux monstres que sont les. Et tu les entends pas, c'est trop fort. Mais tu sais pas parce qu'ils prennent des noms qui sont pas suédois. Ils font très américains. Ouais. Ils font des américanismes, ils ont trouvé complètement le truc. Si je vous dis par exemple aussi Icona Pop. Hein ? Icona Pop. C'est qu'à l'époque ça, c'est vieux ? Non, c'est 2012. Ah, ça me parle Et si je vous chante avec ma voix, I don't care, I love it. Ah oui, I don't care. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon, on a compris. C'est bon. C'est ça. Ouais. J'ai l'impression que Linda, tu voulais commencer et tu t'es dit non, je vais faire aussi pire. Maintenant, on va arrêter. C'est ça. Alors, ils ont également des artistes qui sont plus connus chez eux. Par exemple, Zara Larsson. Qui... Ça me parle, ça aussi. La sœur de Nicky Larson. Mais non, j'y pensais, Thierry, c'est ça le pire. Non. Qui elle est souvent comparée à Rihanna. Oui, parce qu'elle est black américaine. Enfin, elle est black, cette femme, il me semble. C'est peut-être elle, oui. Oui, c'est elle. Ouais. Son nom me parle. Ouais, mais, c'est pour dire qu'ils prennent toujours des modèles. Ils ont compris le truc et ils prennent toujours des modèles. Ils d'accord. ont aussi. Ils ont aussi qui je vais changer de pays après tout. On a d'accord. Dis-nous. Tu veux aller où le maintenant groupe, le groupe AA. Qu'est-ce que c'est que ça oui. Ça me parle pas. Norvégien. Ah oui, oui, j'étais très, très, très jeune, mais ça cartonnait quand j'étais au collège. C'était quel style, du coup? C'est de la pop, mais oui, ils pouvaient faire des titres qui allaient très très vite, comme ouais. des slow. Hein. Ils ont chanté le plus connu, c'était Take On Me. Ah, c'est ça. Take On Me. Ouais, non, c'est bon. Alors, quand même, si je peux me permettre, Linda, tu chantes légèrement mieux que Thierry et Daniel, d'accord. quand même. D'accord, merci. De rien. Mais j'ai reconnu ce qu'il chantait quand même, donc c'est très fort, c'est bon. Ouais. Alors, c'est soit Daniel qui a fait des efforts, soit toi qui es très forte pour reconnaître. C'est peut-être ça. Non, bah, c'est elle qui est plus forte que moi. Oh. Bah, il n'y a pas trop de mal. Redécouvrez la musique. Ah, on redécouvre la musique sur Indestar. Ah, il faut que tu rechantes. Take on me. Suivant. Après, donc c'est quoi ça? Je pensais qu'elle allait faire l'écho. Ah non, non, non, non, bah non, non. Donc ça, c'est quoi ça quand même? Alors, on a quand même vendu plus de 35 millions d'albums. Ah, ça a fonctionné, oui. hein? Oui, ça a fonctionné. Ouais, mais c'est quelle nationalité ce groupe? Norvégien. Ah, c'est norvégien, d'accord. Mais que tu ne l'as pas dit. Si, je l'ai dit. Non, t'as pas dit que t'avais changé. T'as dit que t'avais changé, mais tu nous as pas dit où. Oui. Donc là, Daniel a changé. Nous sommes en Norvège maintenant. Donc en Norvège, on va pas y être longtemps. Ah, d'accord. On va où? Enfin, si, on va y rester quand même. Arrêtez d'allumer les allumettes suédoises. Voilà. La Norvège, c'est connu pour ce qu'on appelle le black metal. Le saumon. Les fraises. Le black metal. Le métal noir, donc un métal. D'accord. Ouais, un peu. Un peu violent. On le sent passer. Très, très, très, très noir. Et un nom du coup connu ou pas? Pour les amateurs, pour les adeptes, il y a... Ah non, c'est là. Dark Throne, Immortal, Emperor, ouais. Mayhem. Mayhem, ouais. Ah, tu ça, je connais ça. Connais ouais. Ah ouais. Mayhem est sûrement plus connu. Oui. C'est récent, alors. J'écoute surtout du métal, moi, donc... Ah bon ouais. D'accord. Ça fait bizarre de savoir ça comme ça. Bah, notamment non, vendredi. Il a une dégaine de footeux, il écoute du métal. Ok. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Les footeux, ils écoutent quoi alors? J'en sais rien en vrai. D'accord. Mais c'est voilà. Mais, non, par exemple, vendredi, on a parlé de Crossface, notamment, qui est un groupe de métal japonais. Bien qui sûr. S'amuse à prendre. Par exemple, comme là, dans une de leurs musiques, None of Your Business. Ouais. Donc, Thierry, pour la traduction, vu que je sais que t'aimes bien. Ce qu'il donne. Ce n'est pas mes affaires. Ah. D'accord, bah, merci. Ils ont mixé le métal avec le rap. Notamment. Ah, et ça fait bien, ça oui, fait bien. Ça passe nickel. D'accord. Et en japonais, en France, non. Non. Non, bah. Mais en fait, tu es rentré là-dedans d'abord parce que c'était japonais et. Ah non, parce que mon frère écoutait ça. Mon oui, grand frère donc, écoute ça. Donc mais bon, parce que je veux dire, par rapport au manga, point etc., d'honneur aux japonais, je me dis, est-ce que tu es d'abord attiré par le fait que l'univers, c'est lié au manga ouais. ou tu aimes aussi le métal pour le métal, c'est-à-dire même s'il n'est pas japonais tu Non, j'aime bien aussi. D'accord. C'est peu importe. C'est le style de musique que j'aime bien. On reste ouais. en... Donc on peut faire des bruits de casserole sans problème. on reste dans le métal, on change reste de pays. D'accord. Ce que j'allais dire, il y a la Finlande aussi, le métal, de toute façon dans les pays nordiques, a quand même ouais, une c'est... grande place. Il y a donc même un groupe de métal finlandais qui a gagné le concours Eurovision de la chanson en 2007. Ah ouais. D'accord. Lordi. Ça me parle le nom. Lordi. Pas l'ordinateur, ouais. Lordi. J'allais dire, on en a quelques-uns devant nous, mais... Ils ont connu et ils avaient fait d'ailleurs un spectacle énorme, je me rappelle un peu du spectacle, et c'est en partie pour ça qu'ils avaient gagné, ils avaient quand même fait quelque chose d'assez formidable. D'accord. Ça a son importance que c'est aussi sur scène, évidemment. Oui. Oui. Alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que je sais que la semaine prochaine, on va faire une émission normalement spéciale Noël. Oui. Au Danemark, ils ont, et j'en parlerai sûrement plus à ce moment-là, une chose donc, un calendrier de l'Avent, pardon. La viande. Un calendrier de la viande. Pourquoi pas? Ça aurait pu, hein. Ça pourrait être très français, ça. Ouais. Il y a les calendriers fromage, puis il y a de la viande. Le porc mignon, le rosbif. Et donc, ce calendrier de l'Avent, dis-nous. Il est tellement spécial. D'après vous, comment il est présenté? Qu'est-ce qui se passe du 1er au 24 décembre au Danemark avec ce calendrier de l'Avent? C'est sérieux ou c'est décalé? C'est très sérieux, mais... C'est très décalé. Pour nous, c'est décalé. Ça peut paraître décalé, mais franchement, moi, je trouve l'idée assez géniale. Est-ce qu'il y a des trucs un peu bizarres, comme on a dit tout à l'heure, le hareng qui date de... Je sais pas combien, là, qui est fermenté. Est-ce qu'il y a des trucs à manger qui sont dégueulasses, hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a, au Danemark? Alors, ça peut être hilarant, ça peut être un peu... Ils utilisent le gaz hilarant. Attention, les enfants. Un homme politique. Non, ça fois. Peut être comique, un peu des fois suspense. Un homme politique. Il regarde un film différent tous les jours. Alors, par contre, comment tu le fais rentrer dans ton calendrier? En gros, Linda a trouvé. Et ils préparent donc chaque année depuis mince, j'ai effacé la date. Ah bah bravo. Depuis un certain temps. Depuis 1994, après. D'accord. Ouais. Du 1er au 24 décembre, la télé danoise propose un calendrier de l'Avent et chaque jour, on a un nouvel épisode. Ah, d'accord. Cool. C'est sympa. Ça, alors, avec mon accent danois, le Yule Calendre. D'accord. Alors, t'as un aussi bon accent danois que moi, j'ai un accent anglais. Oui, ouais. Sauf que moi, j'ai pas de preuve de danois, donc... Donc, tu t'es débrouillé. Alors, quand tu parles anglais, c'est comme une vache espagnole, mais finalement, tu parles l'espagnol comme une vache espagnole aussi, donc ça va. Bon, ça va, alors. On change pas de prêt. Ça alors, va, au moins. Évidemment, les pays nordiques se charrient entre eux avec les blagues des voisins. Oui. C'est toujours mieux que... Le danois est mieux que le suédois. Le c'est la guéguerre, quoi, ouais, un peu. Alors que nous, on fait pas de différence entre eux. Oh, ouais, voilà, c'est du nord, ça se les pèle et c'est tout. C'est clair. Alors, assez parlé musique, quand même. Oui. Les légendes nordiques ont quand même beaucoup influé la pop culture. Marvel. Il n'y a pas que Marvel. Par exemple, est-ce que vous avez des... Thor, Loki. Thor, oui. Ah, Loki. Voilà. Je vais pas dire tais-toi, t'as tort, hein. Odin, oui, c'est vrai qu'il y a Odin notamment. Ouais, y a Odin, c'est ouais. Peut-être le principal d'ailleurs. Oui, il y a même des séries carrément qui sont. Viking, oui, Loki. Viking, oui, par exemple. Oui, Viking, oui. Il y a Ragnarok où le héros principal possède. Ragnarok Ragnarok. Ouais. Ragnarok, pardon. Il a renommé Wagne. Oh là là. Ragnarok. C'est pourquoi spécial. Pas c'est le Ragnarok maintenant, c'est fini la vie. Bon, sinon c'est très mais bien comme... Je m'emballe. Et... Ah oui. Et je m'emballe tout seul. Oui, mais jour de Noël, on déballe. Ouais. Oui. Bon, alors, Ragnar, comment il va? Très bien, il découvre qu'il possède les pouvoirs de Thor. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, pourquoi pas. Bon, alors peut-être que je les aurai un jour. T'as le pouvoir d'avoir Thor. Il y a The Lost Kingdom, Stargate SG-1, ah, il y a les Asgardiens, les Asgardiens, bah, décidément ce soir. Les Anges Gardiens. Les Asgardiens. On trouve entre autres Thor, Frey et Loki. Loki, c'est plus compliqué que ça quand même. Hein ? Loki, c'est plus compliqué vu que de base, c'est pas un Asgardien de base. Oui, mais... Il a été adopté. Bon, on fera une émission là-dessus. Et t'expliquera ton savoir là-dessus. Les ouais. Familles alors, des dieux, c'est souvent un bordel. Hein. Ouais. C'est clair. Game of ouais. Thrones, ça fait aussi de légende nordique. Et Supernatural. Alors là, on retrouve encore le marteau de Thor parce que bah, ils se battent pour posséder le marteau de Thor. Le fameux Mjolnir, oui. Marteau foudroyant. Alors, tu vois, c'est marrant que tu aies dit, vu que j'allais mettre au défi Daniel de prononcer son nom. Ah, bah ouais, c'est vrai. Et moi, le pire, c'est que j'allais demander est-ce que quelqu'un connaît le nom du marteau de Thor? Mais ils le disent dans les Marvel encore. Donc, oui. Bah, faut regarder sur le manche, il y a la marque. C'est un Bosch. Le film The Mask. Oui. Évidemment, il y a les dieux aussi. Est-ce que quel est le rapport entre moi je le connais. La couleur verte? Non, enfin le masque a été créé justement par Loki et il l'a envoyé sur Terre. Et il renferme ses pouvoirs. Dans le Fils du Masque, le 2, on découvre effectivement Loki doit aller récupérer son masque. Ouais. Et bah il va découvrir qu'en fait un humain a porté le masque et a fait un gosse avec une fille, hein, mais genre il a mis le masque sur sa tête et du coup ça le transforme en espèce de créature chelou avec des pouvoirs, hein, notamment. Vous avez tous vu le masque? Oui. Ouais. Et bah imaginez la même personne qui a copulé, ça a donné un enfant et l'enfant a les pouvoirs. Bon, on a tous d'accord. Même mis le masque de ces derniers temps. Hein. C'est pas vrai. On a pas forcément copulé pour Ozan. Et on n'a pas forcément récupéré les pouvoirs à tort. À Loki. Voilà. Et dans l'univers des jeux de vidéo, la Bay Gamer, la. Yu-Gi-Oh! Il y est dedans, il y a une série de cartes ouais. Qui tourne autour des as. Jeu vidéo. C'est aussi un jeu vidéo. Assassin's Creed, t'en as un notamment. Oui. Ouais. Valhalla. Oui, Valhalla. Final Fantasy aussi, 13.3. Parce qu'il y a 3 des 13, donc. Lightning Returns, si tu cherches. Alors, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils connaissent tellement, ils en ont même que j'ai pas noté. Hein. T'avais noté lesquels? Alors, j'avais surtout noté 3, Assassin's Creed, oui. Où tu interprètes Eivor, le chef viking, oui. À l'époque des raids sur l'Angleterre. Hellblade. Ils connaissent pas je les la lame de l'enfer, c'est si traduit. C'est ancien, peut-être, non? C'est plus ancien? Non, c'est beaucoup moins connu. En jeu. D'accord. Au nord aussi, où t'as quelques vikings. Oui. Ouais. La guerrière de Pique de Sédois est en route vers Belbiem, l'enfer nordique. D'accord. C'est surtout pour l'enfer nordique. Alors, pour paraphraser un de mes... un ami qui est là, c'est pas faux. Il y a God of War. Oui. Oui, c'est vrai. Skyrim, pardon. Oui. Autant pour moi, Skyrim. Oh là là. Oh, oh le con. Bah, oh, oh là. Oh, faut que j'arrête. Je me coupe mon micro. Ils sont tous insurés. On retrouve aussi dans d'autres domaines comme l'animation. Oui. Avec les chevaliers du Zodiac. Oui. Ah oui. Oh, oui. Astérix et les Vikings. Oh, on retrouve Dorothée. C'est vrai que j'ai pas noté Astérix. Mais oui. Alors que t'aimes bien Astérix. En plus, oui. Avec le chef Grosse Barf. Oui. Olaf Grosse Barf. Oui. Et la mythologie nordique aussi, on la retrouve dans la littérature. Oui. Ouais. Les. Comment ça s'appelle? Les espèces de dragons là qu'ils ont, je crois. À trois têtes là? Non. Non. Pas... Non, ça c'est l'hydre de. Ah oui, c'est autre chose. Ah, on a fait une émission ah, avec, oui, le, nombre de... avec le nombre de têtes de bras de, ouais. De cerveaux. Mais je crois ah, d'avoir un fait un les cerveaux. Qu'un... La pieuvre avec les 9 cerveaux. Alors moi j'en ai surtout noté deux pour. Beaucoup de monde va connaître. Le tome 7 d'Harry Potter où le loup Fenrir fait une apparition. Qui ça? Fenrir, qui est le fils de Loki. D'accord. Alors Fenrir est. D'Harry Potter? Dans le tome 7. De la si partie... c'est une apparition, ça va être long. Que je relise sur la totalité. Livre, hein. Ouais, je crois bien. Je crois pas qu'il est dans le film. Dans le film, dans le livre. Dans le ouais, livre, faut peut-être le que livre. Je le relise. Ouais, parce, et surtout, souvenir. Thorgal. Thorgal. Oui, Thorgal qui se déroule en plein pays viking. Alors, j'ai des vikings. C'est vrai. Hein ça marche très bien. Ouais, donc voilà. Des gens de nordique. Et si t'as un dieu préféré, tu préfères lequel entre Odin, Thor et... La déesse des massages nordiques. Le sauna. Moi, je préfère le sauna. Ouais, tiens, d'ailleurs, tiens, un petit tour de table. Ton dieu nordique préféré, ce serait qui? Ouf, je t'avoue que je... Je t'ai pris de court. Le choix est cornélien, mais j'aime bien Loki. D'accord. Surtout le Loki des Marvel, j'avoue que j'ai un petit faible pour lui. Océane, t'en aurais un? Non, je sais pas. D'accord. Daniel, il faut les connaître en fait pour pouvoir en avoir un préféré en fait. Non mais t'inquiète pas, ils les connaissent. C'est vrai que Loki est très, je le trouve très. Il amusant. Est très attractif pour un connard. Ouais. Non mais dans il a un jeu. Dans les Marvel, il a un rôle ah, qui oui. est absolument Marvel. Extraordinaire. Bon, Thierry, je te demande pas vu que t'es perdu. Alors moi, je suis pas calé là-dessus, mais par contre, je voudrais juste faire un petit coucou oui. à ma nièce, si par chance elle écoute le podcast, parce qu'elle va pas écouter en direct, elle travaille, mais parce qu'elle a passé en fait 6 mois en Lettonie quand elle a fait son école d'ingé, il fallait passer un séjour, et en fait, ça a été vachement important pour elle et pour ses études et dans sa vie hein, d'avoir cette expérience-là. Et en fait, en étant en Lettonie, elle a pu aller en Norvège, enfin vous voyez, faire les pays limitrophes et elle en garde un très bon souvenir. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Amandine. Et ben Amandine, on te fait tous des gros bisous, voilà. Et s'inviter à PK Avenger. Mais j'en ai parlé à Magnès et à mon neveu qui sont assez curieux dans le bon sens oui. du terme, et je leur ai dit venez à une émission. Linda, si tu avais un dieu. Ouais, moi j'ai suivi Viking, la série, donc Odin forcément, c'est le dieu voilà, ouais, suprême. Voilà. Oui. Voilà. Je voulais juste préciser, j'aimerais quand même faire le rôle de Thor. Pour savoir si je peux soulever le marteau. Oh bah non, si tu veux avoir, pas tant, si tu veux avoir tort, il y a aucun problème. Mais non, t'en es pas digne. C'est violent. Alors, moi, je connais une artiste qui, en tout cas, est digne, elle, de passer sur une. Alors, laisse-moi deviner. Lindsay Sterling. Bah oui, ça va pas être Anna Free. Yeah. Théo, on t'embrasse. Bien sûr que si, Anna Free aussi. Non, non, mais dans avec les autres émissions, tous, c'est bon. Vous êtes tous dignes de passer ouais. sur une Star. Avec Roundtable, rival. Avec mon anglais qui est irréprochable, bien évidemment. Sur une Star. Ah, en perte des cheveux. Linda, la plus féminine des animatrices de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est la seule animatrice de l'émission aussi. Ouais, c'est alors. C'est un pas petit peu faux. Ouais, c'est pas totalement vrai. On a une fille qui a atterri ouais, dans Indestar. Qui... Ouais, bah maintenant, elle quitte même ah, plus les on studios. A dépassé les quotas. Donc, après avoir été pas. Dans les pays nordiques, tu nous emmènes. En dans... Asie. En Asie, mais où ça précisément? En Corée. La Corée pas gentille ou la Corée gentille? Ouais, on va faire un tour en Corée en vrai, mais... D'accord. Je vais beaucoup parler de Corée du Sud parce qu'il se passe pas mal de choses en Corée du Sud. Car c'est intéressant. D'accord. Alors déjà, je voulais vous faire remarquer qu'il y a un joli bed, si vous pouvez entendre. Oui. Alors je vous ai cherché ce bed, ça s'appelle Flow Music, qui produit ce bed, j'ai trouvé ça sur YouTube. Et c'est des musiques de maintenant, en fait... Retravailler c'est avec une des musique qu'on connaît ça, voilà ouais. par exemple oui. là c'est Imagine Dragon de... ouais, voilà c'est ça. Et en fait elles sont retravaillées sous format avec des instruments musicaux typiquement... asiatiques ouais, voilà d'accord. Donc, vous pouvez entendre, donc vous allez avoir plusieurs morceaux que vous allez reconnaître ouais. Alors moi ce soir je vais vous parler d'un phénomène appelé Aliyu. Est-ce que ça vous parle? Aliyu. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Je connais AliExpress, mais c'est pas. C'est vague coréenne en traduction, en fait. C'est une vague coréenne. Ah, BTS et etc. Par exemple. Ouais. Voilà. Alors, à partir des années 1990, le Aliyu est déjà devenu connu en Chine. Parce que tout le monde est très attaché aux séries TV coréennes. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et la Chine a été le plus grand marché pour l'exploitation de la culture populaire coréenne. Ça a démarré comme ça, en fait. Ils n'ont pas été très loin, du coup. Non, ça c'est ce que j'allais dire, pour se déplacer, ça va, c'est pas... Ouais, mais ils ont touché beaucoup de public, du coup. Dans... Ouais, bah, vu qu'en Chine... Ouais, c'est large, hein. C'est grand, ouais. C'est... Ouais. Alors, pourquoi Aliyu? Parce que... Alors, ça veut dire que ça, en fait, c'est... Ça a été popularisé par les médias de Pékin en référence à la rapidité de diffusion de la culture sud-coréenne de divertissement. En fait, c'est... Aliyu, c'est rapide, quoi, en fait. D'accord. C'est une vague qui va très vite. Diffusion rapide, ouais. Voilà, c'est ça. C'est comme un tsunami. Ça va très vite. Ça va très vite. Alors, les deux composants importants de cette vague coréenne sont les séries télévisées et les arts musicaux. Ouais. Ouais. Il y a aussi le cinéma sud-coréen qui connaît un certain succès, mais à l'étranger. Oui, chez nous, c'est... Moi, je vois ça comme des films lol. C'est souvent des films à l'eau de rose, je trouve. Mais c'est de mieux en moins, mieux, moi, je trouve, en vrai. Hein. Ça parce peut que pas être ça m'intéresse. De pire en pire. Ça peut pas être pire, c'est ça. Non, non, oui. Mais c'est. Oui, mais c'est différent parce que toi, tu ah le oui, prends. C'est différent. Voilà, c'est pas comme un film français, quoi. Ah ouais, mais j'ai jamais dit que les films français c'était bien. Déjà, non plus, déjà, il y a que des Asiens à l'intérieur, donc forcément, déjà, ça met un petit. C'est vrai que c'est ça... exotique, ouais. Quoi. Voilà. C'est pas pareil. Alors, il y a le cinéma, la musique, les séries télé, mais il y a aussi des bandes dessinées. Alors, on appelle ça les manhwa. Ah, excusez-moi si j'ai pas la bonne prononciation, mais en tout cas... C'est pas grave, voilà. Moi, je me suis trompé avec le danois. T'inquiète pas, on a Daniel avec le norvégien, et le danois avec tout. Donc on mélange un peu toutes les langues. On a moi et l'anglais, où chaque semaine, Alors, aux anglais. Les bandes dessinées coréennes, elles sont très exportées dans de nombreux pays et traduites dans de plusieurs langues, en fait. Donc ça marche vraiment bien, en fait, la BD, en fait. Hein. Oh, y a quelques mangas, même coréens, qui sont assez célèbres. Est-ce que, par exemple, vous auriez, vous, des choses que vous pourriez me citer dans la dans série TV, en nom de groupe BTS. Voilà, BTS, ça fait partie... Si. C'est des coréens, tout ça. Ouais. Vous avez quelque chose d'autre ou moi j'ai déjà préparé des choses à vous présenter sinon. Vas-y, je vais dire si c'est vrai ou moi pas. Moi je dirais bien un truc, non. Dis-moi. C'est pas bête. Teddy, est-ce que tu voudrais bien nous mettre un petit son, s'il te plaît? Alors, ce que vous entendez là actuellement, c'est la BO de la série. Donc la bande originale. Très connue, qui passe dernièrement sur Netflix. J'en étais sûr. Alors c'est une série qui est plutôt mal reçue, plutôt critiquée. Mal reçue? Ouais, mal reçue parce que alors beaucoup de gens l'aiment et la regardent, ouais. Mais beaucoup la critiquent. Bah moi du peu que j'ai vu, c'est surtout la fin qui est critiquée quand même. C'est l'ensemble, je pense. C'est l'ensemble. Je pense que ça doit être des haters, tu vois. Parce que plus un truc est célèbre, plus il a de haters. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais la présenter et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ouais. Hein. Alors, c'est une série qui est donc toute récente. C'est une série sud-coréenne qui a eu un début très prometteur avec 111 millions de visionnages en 27 jours seulement. Est-ce que vous imaginez? C'est énorme. 111 millions en 27 jours. On fait mieux sur Indestar. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Moi, ma chaîne YouTube, pour arriver à ça, va falloir quelques millennaires. Hein. Oui, mais on n'a pas, les chiffres de la Corée, ce qu'ils écoutent sur Indestar. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on va dire qu'on est meilleur. Mais c'est vrai que si déjà tous les Coréens sont fans de leur propre série, ça fait du monde. Ça peut aider. C'est vrai. Alors, en fait, moi, je vous ai dit qu'elle était mal reçue, cette série, parce qu'en fait, ça parle de gens qui sont pauvres, qui sont attirés par l'argent. Et qui veulent gagner de l'argent, en fait. Donc ils vont participer à un jeu. Ils vont participer à un jeu où c'est soit tu survis et tu gagnes, soit tu meurs. Voilà. Et tu meurs. Et tu meurs. Dur. Et tu gagnes pas l'argent. Voilà. Mais moi, j'ai pas gardé ça, en fait, en tête. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, il faut pas regarder cette violence dans la mort. La mort, c'est une. Voilà, c'est même pas une forme de violence. C'est pas violent, c'est voilà, tu meurs, t'as perdu, tu meurs. Point. Oui. Ce que je vois, ben, c'est que, en fait, il y a des notions de valeur dans cette série. C'est-à-dire qu'on peut voir si un humain est bon ou mauvais. Tu vois, et on comprend en fait à la fin de cette série, moi c'est ce que j'ai compris, que l'argent n'est pas forcément utile et ne suffit pas à la vie. Voilà. Bah moi j'en ai vu quelque chose d'autre hein, comme critique et que je trouvais assez constructive et assez intéressante, ce qui donnait presque envie de la regarder en entier parce que j'ai vu que quelques extraits. Hein. Mmh. Ça disait qu'en gros c'était un peu une satire de la société actuelle. C'est-à-dire ? C'est beau. ça veut dire qu'en gros, on court tous, en fait, après l'argent d'une manière ou d'une autre, ouais. Pour survivre, en fait. Et si on n'a pas d'argent, bah, en règle générale, on meurt. Ouais. Oh, ça, comme dans tu la peux société avoir actuelle. Le côté, ouais, bah, le côté futile, justement, de courir après, bah après oui, du virtuel et de pas vivre. Et ah bah, justement, c'est pour ça, il y avait un petit côté comme ça. Du pouvoir ressembler à la société. C'est vrai que c'est pas con. Moi, je trouve que c'est assez réel. C'est assez réel, pardon. Réel. Mm-hmm. On voit l'humain dans sa... Voilà. On voit qu'il peut être très bon comme très mauvais. Oui. Et il veut gagner. Et il défendra sa poire pour gagner. Voilà. Son en gâteau. Gros. Son biscuit. Voilà. Oui. Son cuir un bisou. Non, son biscuit. Parce non, que c'est... dedans, ils ont une épreuve, une épreuve où ils doivent découper un biscuit. Oui. Sans, enfin, en forme, justement. Tu prends un cookie. Enfin, un cookie très fin. Et... il y a une forme dessinée dessus et tu dois sans casser le biscuit. Ouais. Tu dois, ouais, tu dois récupérer sans la forme sans. La forme, ouais. Ah non, moi je faisais une référence juste au sujet Océane, ouais, hein, c'est tout. Mais hein, moi je découpe pas, je le bouffe. Et le d'ailleurs, biscuit. Il y en a certains qui ont triché plus ou moins à ce. Ah bon non. Oui, pour pouvoir gagner. Donc, ah, ça encore prouve des que l'homme, Italiens. L'homme triche, l'humain peut tricher pour gagner. Ah, j'en ai vu un mettre sa sueur. Et quand tu triches, tu meurs ? Ah bah si tu te fais choper, tu te prends une balle, hein, clairement. Il n'y a qu'une règle, faut pas te faire choper. Faut gagner. Voilà. Voilà. C'est vrai que la triche est bah, ça, c'est aussi comme dans la vie de tous les jours, hein, si tu triches. Non, donc jusque là tu t'es pas fait choper, Kevin. Non, c'est bon. En tout cas, pour tous les gens qui ont aimé cette première saison, je vous annonce déjà qu'il y a une saison 2. Ça c'est peut-être pas bien. Non. Ah si, c'est bien moi, parce c'est que pas... la fin de la série, moi pour moi, il y avait quelque chose, c'était obligatoire. Ah voilà. D'accord. Alors Wang Dong Hyuk, désolé pour le nom. Souhait. A confirmé qu'il était en train de travailler sur une suite et visiblement elle sera encore plus sombre. Donc voilà, Ji-Yoon, le personnage principal qui est le gagnant, ouais, du premier jeu, qui a gagné en tout quand même 33 millions d'euros. Oui. C'est tout, c'est pas mal. Parce que en fait, à chaque fois qu'il y avait des morts, il y a de l'argent qui se versait dans un gros cochon en fait. Ah, donc ils ont intérêt donc, à ce en fait, que les autres meurent. Ceux qui meurent, ça donne de l'argent en fait. Tu récupères leur part en vrai. Voilà. Mais ils sont pas censés tous mourir ? Sauf non, il y a un gagnant. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est ça, coup, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un gagnant. C'est hard hein, quand même. Hein. Ouais. C'est comme Koh-Lanta, il n'en reste qu'un. Ouais. Ouais, sauf que là, ça a des circonstances. Mais du coup, t'étais sûr de gagner le pactole à la fin. Je pensais à Highlander. Ah ouais, Highlander. Il ne doit en rester qu'un. Ouais. Alors, le créateur nous assure que dans la deuxième saison, Ji-Yoon fera quelque chose pour le monde. Donc, il y aura quelque chose de positif parce qu'il est riche maintenant. C'est lui qui organise les jeux. Et alors, on rappelle quand même qu'il était pauvre au départ et qu'il a été attiré par ce jeu parce qu'il était pauvre. Ouais. Parce qu'en fait, il récupère que des gens pauvres. Ils leur font faire un petit jeu avec un papier qu'il faut retourner, c'est ça ? Tu confirmes, Kevin, hein ? C'est le droit d'accès, en fait ? Il l'a pas vu. Mais si, il m'a dit qu'il avait regardé. J'ai regardé certains Océane, trucs. Tu l'as vu, toi, ça, ouais, toute la saison ou pas de... Je crois que c'est ça, ouais, de mémoire. Bon, d'accord. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la saison 2. Ça plaît, tu recommandes. Enfin, je voudrais juste préciser, c'est normal qu'il y ait que des pauvres, parce que si tu veux mettre des riches dedans, bah ça marche pas. Mais ça tourne. Entretenez-vous pour gagner 30 millions alors qu'ils ont. Mais justement, maintenant qu'il a gagné l'argent, il est riche, donc il peut prendre la place des pauvres, enfin des riches, des anciens riches. Hein, c'est lui qui va diriger le jeu certainement. Enfin, moi, c'est ce que je pense. On verra dans la saison. Ouais, mais c'est pas faire quelque chose de bien ça du coup. Bah non. Ouais, parce qu'il va être encore plus vicelard. À moins que. Ça peut, ouais. À moins que il rentre justement dans le jeu, il devient entre guillemets un poste méchant. Un peu mieux. Mais non, pas un peu mieux, mais tu sais. Il fait en sorte qu'en fait que les gens survivent et tout. Enfin, il tue le ouais, game. Il y aura personne qui va mettre des sous dans le cochon. Honnêtement, t'es dit, c'est nul. C'est pas le but du jeu. Ah bah non, ça va faire Hunger Games. Non. Si on nous annonce une suite plus noire, ça risque de pas être ça. Non, c'est pas faux. Ça va devenir alors, du saut quelque chose. Est-ce que vous me permettez de faire un petit détour ? Par ça dépend. Un petit détour qui est en rapport avec quand même cette série. Oui. J'ai très envie de vous faire écouter un petit son d'un musicien sud-africain au nom de The Kiffness. Est-ce que vous connaissez The Kiffness ? Non. Non, mais alors moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors il produit en fait des sons qui mêlent par exemple alors attends parce que là t'as été un peu vite pour le coup. Tu veux pas okay, si si si mais pas. Parce que je voulais expliquer un petit peu avant. Alors il fait des petits sons qui mêlent des voix d'animaux par exemple, des chiens, des chats. Il met des samples à l'aide d'un pad. Il chante aussi, donc c'est un vrai musicien parce qu'il joue même des instruments de musique, genre de la trompette, quoi. Je crois qu'on n'est pas prêt, effectivement. Attends, mais là, je vais t'expliquer, mais en tout cas, ce mec-là, il a quand même 742 kilos d'abonnés sur YouTube, hein, d'accord ? Kilos ouais. Mais ça se dit comme ça ? Ça se dit pas comme ça, comment on dit ? C'est des milliers, hein, des cas. Mais des oui, cas. Mais c'est pareil, c'est ça se dit comme ça. 742 000. On dit des cas. Ouais, mais moi, j'ai dit comme ça, voilà. Ça fait des gros abonnés, hein, 742 kilos. Mais alors, moi, je vous parle de lui parce qu'en fait, il a fait un un petit remix avec la voix de la poupée de Squid Game. C'est ce que vous avez entendu juste là. D'accord. La jolie petite poupée robotisée qui a des yeux très jolie laser. Jolie joue à Colamaya, mais une version mortelle. Jolie. Mais alors, c'est pas Colamaya, c'est un 2-3 soleil. Oui, ah merde, pardon. Méfiez-vous des poupées dans les films. Moi, je dis à chaque fois, elles sont pas gentilles comme... Entre ça, et donc, pour revenir sur la poupée, elle, donc, on joue à 1-2-3 soleil. Ouais. Tu peux mettre maintenant... C'est bon, je peux. J'ai autorisation. Ça, c'est la voix de la petite poupée. Voilà. Donc, pour vous expliquer, ceux qui n'ont pas vu la série, le premier épisode a comme titre 1-2-3 soleil. C'est un jeu très connu des cours de récré. Le maître de jeu est habituellement un enfant, on est d'accord. Oui, c'est pareil. Qui est positionnée près d'un mur, sauf que là, c'est une petite poupée robotisée coréenne aux yeux très puissants qui scanne tout le terrain. Et malheureusement, quand elle annonce « Red Light », il ne faut surtout pas bouger au risque d'y laisser sa vie. Ouais, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool, hein. Super comme jeu. Voilà. Donc, ben voilà, je vous ai présenté cette série. Je vais vous présenter maintenant un groupe coréen. BTS ! Non, toujours pas. Mais c'est vrai qu'il est très connu, celui-là. Ben, il est connu, le nom est connu. C'est le plus connu au monde. On va passer au deuxième extrait, s'il te plaît, Teddy, et dès que vous allez l'entendre, vous allez reconnaître. C'est pas un groupe, ça ? C'est un gars tout seul ? C'est un gars tout seul, ouais. Oui, c'est un gars. Bon, d'accord, c'est un gars. C'est un gars tout seul. Donc, je vous plante le décor, c'est l'été, c'est les vacances, et la Corée nous envoie un petit son pour bouger tout l'été. Qui a fait un bon gros délire coréen sorti en juillet 2012. Au nom de... C'est vieux que ça ? C'est vieux ! Alors, je vous cite le nom, c'est Psy, avec le trick Gunman Style, évidemment. Vous avez reconnu, c'était pas compliqué. Évidemment. Non. Alors, il a connu un succès planétaire à travers sa diffusion sur les sites de partage vidéo. Ouais. Le clip officiel de la chanson est devenu le plus visionné de l'histoire de YouTube. D'accord ? Ok, ça a commencé c'est comme ça, YouTube. Quoi, son clip. Oui. Il fait le cheval pendant tout son clip. Puis, la première vidéo ayant dépassé le milliard de vues. C'est la première. Ouais, c'est voilà, vrai. Le 21 décembre 2012, soit 6 mois après seulement la mise en ligne, quoi. Il a dépassé le succès de la gaffe. Avec le lavabo. Et comme tu disais, on se souvient évidemment de la chorégraphie qui accompagne le titre. De quoi chemin. Bien se marrer en soirée, quoi. Hein. Bien sûr. Tu fais un petit psy, enfin, psy, hein, si on psy. Pour les puristes. Tu fais ça dans, je peux te dire que t'as de quoi te marrer. Ouais. Allez, c'est parti. Vous avez raté quelque chose, oui. Vous n'avez pas la caméra, vous êtes triste. Ouais, mais pour un peu expliquer on est un peu ce qui se produit, Teddy et Linda ont fait la danse. La chorégraphie avec le cheval. Ah, en rythme. Oui, c'est et... pas faux. Et en plus, sexy lady. Et en plus, ils le font assis dans leur fauteuil. Ouais. Et ça, c'est fort. C'est vrai que c'est pas ouf en vrai comme musique, mais non, en mais vrai, c'était sympa. C'est entraînant on et puis amusé. C'est. Ouais. Ah ouais. Ça a surtout un sacré rythme. C'est surtout et ça. En fait, ce coréen il était très drôle dans son clip. Bien sûr. Il y a tout qui est décalé quoi. C'est et on trouve pas trop ça en France finalement. Ce moment là, quand il y a eu ce clip, tu dis oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Non, en France, 2012... on est tellement droit, on va dire, par rapport à ça que. C'est pas la technique. C'est pas vraiment possible. Non. Il y a bien Patrick Sébastien qui a essayé des trucs, mais bon, écoutez. Oui, non. Pas grande réussite. Hein. Ah, il est là, il est dans les studios. Dégage, Patrick. Ouse, Patrick. Pas de toi. T'es fini. On sait que c'était ouvert, mais quand même. Qui n'a pas fermé la porte? Oui. Alors. Donc après. On va revenir un petit peu dans une ambiance plus calme, quand même. D'accord. Parce que bon. Qu'est-ce que tu appelles calme? Mon petit jingle, enfin mon petit bed tout joli. D'accord. Alors moi, ouais, vous allez me dire, mais comment la culture coréenne a pu se développer? Ça vous. Mais comment la culture coréenne a pu se développer? Ah bah je sais pas. Ah mince. Est-ce que ça te va comme ça? C'est parfait. On peut le faire encore plus surpris. Non, c'est très bien. Tata Linda va nous expliquer tout oui ça. T'as vu, t'es montée en grade. Tata Linda maintenant. Je suis maman et là je suis tata maintenant. Ouais, t'as vu, t'es montée. Alors. Si j'avais dit maman Linda, m'aurait dit ouais c'est ça ouais. Ouais. Hein. Non mais parce que ici je suis la maman apparemment, mais bon. Ah bon, c'est très bien. Alors la popularité de la culture coréenne est liée à la croissance économique en Asie en 1990, les pays asiatiques ont amélioré leur pouvoir d'achat durant cette période, ce qui a eu pour conséquence l'augmentation de la demande de nouveaux types de produits culturels. En fait, ils ont eu des besoins différents. Il y a eu plus d'argent, ben, il fallait dépenser l'argent. Il fallait faire autre chose. Et la Corée avait pour avantage de proposer une alternative de culture du Japon ou des États-Unis. Ça a été nouveau, quoi, en fait. D'accord. Donc ça a été intéressant. Mais vu qu'à l'époque, il y avait que le Japon et les États-Unis qui étaient vraiment en place. Voilà, c'est ça. Donc là, si, c'est nouveau. Si j'ai bien compris, ils ont gagné tellement de sous, ils ont fait une cagnotte de 33 millions d'euros qu'ils ont mis en jeu dans Squid Game. Okay. J'allais dire, ils ont gagné Squid Game autrement, mais... Et donc, pour parler économie, on va rester dans l'économie. Parlez-moi de vos achats. Est-ce que vous avez un budget mensuel ou annuel fixe, vous, pour vos dépenses culturelles, par exemple? Non, t'as pas un budget. T'es dit, t'as un budget? Ouais, si, on peut dire ça comme ça. Ça dépend ce qu'on appelle la culture, n'est-ce pas? Oui. Oui, dans les jeux vidéo, les mangas et oui, tout ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, 150 euros par mois. Ouais, parce que ça va vite. Un manga, c'est 7 euros à peu près. Jeux minimum, vidéo, t'en achètes un, 40... c'est 70 balles. Ah, ça dépend. Moi, j'étais parti sur 40 plutôt. Mais 40, ça dépend. Il n'y a plus aucun jeu qui sort. Si, sur Switch, ça existe un peu. Mais c'est des jeux dépassés. Maintenant, les jeux neufs, c'est 70. Les jeux nuls, oui, ils sont pas chers. C'est pas. Ouais, mais un jeu nul. Non, il y a des jeux pour enfants qui sont un peu moins onéreux que. Et avec tous les achats, vous allez avoir un marché de l'occasion qui va arriver de plus en plus vite puisque des nouvelles choses arrivent sans arrêt. Ouais. Donc si on accepte d'avoir un petit peu de décalage, on peut faire marcher le marché de l'occasion. Ça existe un coréen d'occasion? Bien sûr. Dans le marché de l'occasion, on parle d'économie coréenne. Moi, j'allais dire l'occasion, ça existe encore avec ce qu'ils veulent faire, mais bon, chacun son truc. Hein. Eh ben, je me suis posé aussi une autre question, moi. Qu'est-ce que ça a pu bien apporter à la Corée, la pop culture qu'ils ont créée finalement? De l'argent, la renommée. Alors, déjà, oui, de l'argent, mais pas que. Il y a eu du divertissement pour les Coréens parce qu'ils avaient un petit peu, vous savez, ce pays. Ils étaient stricts. Ben, c'est un peu morose, un peu, hein, donc ça leur apporte de la joie. Ouais. Il y a aussi au niveau du tourisme, parce qu'en fait, les femmes idoles japonaises, elles viennent en Corée. En se disant, on va rencontrer justement les TBS en allant là-bas. BTS. Les BTS, pardon. TBS, c'est des chaussures en plus. Et mais donc, oui. La Corée, grâce à ça, elle a quand même changé d'image. C'est un petit peu moins strict. T'imagines, il y a Psy qui sort quand même de la Corée, quoi. C'est vrai que oui, il est complètement décalé par rapport à la Corée. Enfin, on va pas non plus donner une image américaine de la Corée, je crois. Non. Il faut peut-être pas. Non, mais c'est mieux qu'avant. En même temps, une image américaine, c'est pas forcément bien non plus. Non, c'est pas. Je peux juste préciser pourquoi la Corée était quand même un peu moins, on va dire, gay. Non. Dans l'esprit des gens. Je crois que ça n'a pas marché. Suite à la guerre de Corée, le pays a été complètement ravagé. Hein. Ouais. Il a fallu qu'ils reconstruisent tout. C'était pire que chez nous après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était en gros boss ou crève. Bah, ils partaient à zéro, quoi. Voilà, ils repartaient à zéro. Un petit peu comme dans Squid Game, c'est boss ou crève, marche ou crève. D'accord. C'était, voilà. Et ben moi, je voulais savoir si la pop culture vous attire, la pop culture coréenne. Oui, certains mangas notamment. J'en connais deux. Lesquels? Un qui marche très bien en ce moment, The Promised Neverland. D'accord. Ouais. Excuse mon anglais. Neverland et Your Name. Et alors, qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi? C'est un concept. Parce que c'est différent du coup. C'est pas pareil, c'est très profond en fait comme manga. Ouais. Il y a des mangas très profonds, hein, mais. Your Name, c'est juste un film, je le regarde une fois, oh, t'es dans le cul. Ah ouais, ouais. Et donc c'est coréen, on est d'accord. Hein. C'est coréen. Ok. J'ai vérifié sur internet justement. avec des beaux noms à l'américaine. Oui. Vous avez avec d'autres choses Est-ce que Kevin, toi tu t'intéresses à la pop culture coréenne ou pas? Alors, comme ça et qui me viennent à l'esprit tout de suite. T'as rien? Non. Ouais. Mais après, peut-être que si ça se trouve, il y a des choses. T'en as, mais tu le sais pas en fait que c'est voilà, coréen. Voilà, ça quoi. Peut. Si ça se trouve. Bah, surtout avec les noms américains. Et puis le standard, si tu veux, si tu fais comme Gangnam Style, je veux dire un délire, je vais pas dire un grand show à l'américaine, mais enfin quelque chose qui ressemble à quelque chose d'international ou d'autrement, tu sais pas en fait forcément que c'est coréen, sauf quand tu le vois quoi. Justement, on vient de voir le problème avec les Suédois. Qui prennent des noms en anglais, ouais, c'est qui pareil. Chantent en anglais. Ouais, bah oui. Alors, ils ont pris le même style seulement. Thierry, toi, c'est pas ton univers, je pense, la Corée. Bah, en fait, je me dis que je ne connais pas grand-chose à part ce que les médias nous disent. Et souvent, quand tu entends parler de la Corée, c'est pour entendre parler de Kim Jong-un, hein, ouais, pas forcément en bien, quoi. Daniel, tu as quelque chose à nous dire sur la Corée, toi, qui t'intéresse? Quelque chose de précis? Alors, par rapport à la pop culture, bah, je serais un petit peu comme Kevin. Il y a peut-être des choses que je connais de. Ouais, je connais, mais que tu sais pas que c'est relié à la Corée. Voilà, comme je parlais aussi avec les chanteurs suédois. Ouais. Autrement, bon, on pourrait parler géographie de plein d'autres choses, mais là, c'est la pop culture. D'accord. Et là-dessus, non, je peux pas. D'accord. Eh bien, moi, je vais conclure ce petit. T'as oublié Océane, ma pof, c'est vrai, excuse-moi. Océane, est-ce que toi, t'es trop sage en fait, t'es trop sage là-bas. Vive la sororité, dis donc. Ouais. T'as vu un peu. Désolée. Non, mais c'est qu'elle veut être la seule présence féminine de l'émission encore. Ouais, c'est ça, je veux la place. Vas-y, Océane. Dis-nous, Océane, est-ce que toi, tu aimes la Corée et la pop culture coréenne? C'est qui? Alors là, maintenant, non. D'accord. Mais. Tu y réfléchiras, ouais. Tu me le diras, ouais, la prochaine c'est fois. C'est peut-être la même chose que nous, peut-être que tu en connais. Elle, si ça se trouve. Mais... Parce qu'en fait, il y a plein de choses, on s'en rend pas compte. Il commence à vraiment s'installer, clairement. Ouais, peut-être qu'en France, c'est peut-être pas encore super bien développé, la culture coréenne. Enfin, on n'est peut-être pas encore habitué à tout ça. Ouais. Mais en vrai, dans le monde entier, la musique, notamment, je parle de BTS. Même en BTS, cinéma, ils même. Ont des tas de records. C'est, les, ouais. c'est le plus grand groupe de musique au monde, là, actuellement. Et nous, on n'en est même pas conscience, mais parce que c'est qui. En cinéma, ça se développe vachement. Tu regarderas sur Netflix, il y a beaucoup de beaucoup cinéma de coréen, séries... clairement. Ouais, ouais, ouais. Par contre, je ferai juste une précision. En jeux vidéo, ils sont quand même très avancés. C'est vrai. En termes de gaming, effectivement, ils sont c'est très très bons, les joueurs coréens. D'accord. C'est là-bas qu'a été créée, ouais, on va dire, ce qu'on peut appeler la Fédération Internationale du Jeu Vidéo. C'est à l'ascension de Séoul, et c'est eux qui... Pour eux, c'est normal d'avoir des écoles de gaming, des house. On avait parlé aussi dans l'émission de PK Avenger, où en gros, il y a des maisons de joueurs. Excellent. Faut faire ça en France. Oui, mais en France, ça passera beaucoup moins bien. Ils sont pas bons en France ou... C'est pas qu'on n'est pas bon, non, c'est qu'on n'est pas très... On va dire que, pour faire simple, la mentalité, c'est jeu vidéo égale diable. Faut pas y jouer, faut rien faire. Ah, c'est mal. Pas c'est... diable, d'accord. Mais trucs enfantins, c'est pas un ah truc... Non, c'est... non, mais ça peut être, oui, certains c'est côtés c'est... enfantins, ouais, c'est diable. Franchement, ça a pas une connotation l'e-sport en d'accord. France, c'est... Pour les enfants. Faut le développer, vraiment. C'est en cours, je pense, c'est en cours. Bah, le problème, c'est qu'on a eu des pionniers, mais. Oui, non, mais ils ont pas c'est la France, ça n'est pas de problème. On est encore en retard. On a comme toujours beaucoup. 10 ans de retard, c'est ouais. Voilà. Juste pour conclure pour la Corée, du coup, j'ai une petite info supplémentaire qui est intéressante. La vague coréenne est bien arrivée en France, hein, ça c'est clair, faut se le dire. De nouvelles associations voient le jour sur le sol français, comme par exemple la K-pop Academy La Rochelle. Je connais un groupe de K-pop. Alors, elle a ouvert ses portes en août dernier et a déjà réuni une trentaine de membres autour de la culture de coréenne et donc la K-pop. Mais On dit pas la K-pop. La K-pop, peut-être, effectivement, je en ne France, sais pas. En France, on dit la K-pop, je crois. Ouais. Mais alors, en bon français, ça dépend le K, en fait, si tu le prononces quoi, à la coréenne, à l'anglaise. Voilà, je sais c'est quoi. Ça. Moi, je l'ai fait à la française. Ah. Évite de le faire à l'anglaise, t'es dit. Alors, ça doit être à l'anglaise parce que K, c'est pour coréen. Et c'est K en anglais, K-pop, mais ça peut-être quand ça, tu prononces vite, le K peut venir qui comme une clé. En tout cas, la présidente de cette association, Séverine Vigne. Ah, c'est pas très cohérent. Coréen. Non, mais d'empêche, cette dame-là, elle veut pas juste faire de la K-pop, elle a envie de développer le concept au-delà de la danse. Et ben, son projet, c'est de promouvoir la culture coréenne dans sa globalité. Et elle donnerait peut-être des cours de coréen, par exemple. Oh, c'est sympa, cool, hein ouais. Et donc, vous pouvez trouver cette association sur Facebook, sur K-pop Academy La Rochelle, et leur écrire à kpopacademylarochelle@gmail.com. Voilà. D'accord. Et ben, je vais me permettre une petite chose, en plus, en complémentarité de ce que tu as dit. Oui. Je vais faire une petite pub à un petit groupe de K-pop que je connais de Tourangeau, en plus, donc par chez nous, en centre Val-de-Loire. Ça s'appelle YNS. Ouais. Je sais pas s'ils disent YNS, mais en tout cas, moi je vais l'appeler comme ça. Allez voir leurs chansons, leurs danses et tout ça. C'est sympa c'est à voir et K-pop. C'est de la K-pop. D'accord. Alors faut aimer la K-pop quand même. Hein. Si t'aimes pas, tu vas découvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais... C'est quoi ce bidou? Donc, moi j'ai envie de dire, ils nous envahissent en France. Ça va pas ils tarder. Ils sont dans nos campagnes. Ils sont là. Hein. Non. Mais oui, mais c'est présent, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et c'est pas si mal. Moi j'aime bien, clairement. Moi perso, je vais dans des conférences, dans tes. Non, comment on dit? Dans les Japan Tour Festival, tout ça, il y en a tous les ans. C'est des conférences. Oui, c'est des conférences. Enfin, bon, ça, c'est dingue. Mais c'est dans toute la France, en plus. Moi, je parle d'ici, mais il y en a partout. Oui, c'est vrai. On aime ça, en fait. On est attirés. C'est mystérieux, un petit peu, l'Asie, je pense. C'est vrai. C'est, voilà. On est curieux. Ouais. C'est à la fois mystérieux et ça mélange de mystère et de tradition. Ouais, c'est ça. Des traditions qui sont bien ancrées et plein de mystères. Eh ben, je suis content pour toi. Ouais. Merci. Ah bah moi j'allais dire sur Indestar on n'a pas de mystère. Je suis mystérieux moi. Sauf on n'a pas de mystère. Il y a que moi. Oui. Il y a de la musique sur Indestar. Il y a de la musique mais regarde Happy for You. Mais oui. Content pour toi. Yes. Enfin je sais pas si c'est exactement ça la traduction. Ça doit être ça, grosso, Si. Voilà. C'est Jasmine Thompson. Teddy, le plus boulanger des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Kevin en boulangerie moins. Non, c'est quand même le pire des tingles c'est possible. Excellent. Je sais pas si moi, c'est je trouve que c'est le pire. Bah, non, c'est vrai. Bah oui, il y a Teddy dedans, donc ça peut être que le pire. Non, c'est vrai, tu sais pas faire du bon. C'est oui. pas faux. Tu veux dire qu'il y a deux erreurs dans le jingle, quoi. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui va avec Teddy le jeudi? Les quiz. Quizman. C'est pas faux. Effectivement, 5 questions avec 3 propositions de réponse. Des points, je les donne comme je veux. Ouais. Donc, autant dire, on est dans la merde. Voilà. C'est le moment où il faut être gentil avec Teddy. En fait, il faut être gentil tout le temps. C'est pour ça que je perds tout le temps. Alors, ça marche pas, parce que moi je suis toujours gentil avec lui, j'ai pas de points. Non, mais tu dis. T'es sûr? Tu dis pain au chocolat, tu marques un point. Ah bah c'est sûr que si tu dis chocolatier, tu risques d'en perdre pas mal. T'en perds 3 ou 4. La porte, oui, elle est là-bas. Ouais, c'est ça. Alors, comme le thème de l'émission de ce soir, c'était la pop culture par pays, je me suis dit, je vais faire un quiz avec, enfin vu qu'il y a 5 questions, une question par pays. Donc forcément, vous serez avantagé dans le pays que vous avez choisi, en théorie. Pas. Enfin, sauf Thierry, parce que du coup, France, on est tous en France. On va tous faire bon. Enfin, avantagé, je dirais, c'est limite, vu que tout dépend de toi, ce que tu. Et on peut ignorer quelque chose, même sur son bien propre sûr, pays. C'est ça. C'est vrai. On peut ne pas connaître le nom du président, même s'il passe tous les jours à la télévision. Castex. Ah, bah non. Non, je plaisante. C'est Zemmour. Non, non, mais il s'est présenté. Enfin, il se présente, je crois. Hein. Oui. J'ai vu l'info. Par contre, Castex se présente pas pour l'instant. Mais c'est pas grave. Peut-être c'est pas grave. Que. Vraiment. Peut-être que. Et si Macron n'y va pas, t'imagines Castex, il dit moi, je prends la place. Oh, quelle horreur. Castex, Zemmour, Le Pen. Ça va être quelque chose. Ça va être une super série. Il manque plus que Véran se présente. Alors, moi, je dirais, ce serait le quintet gagnant là, quand même. Ah bah là, c'est la télé-réalité préférée là. Clairement. On peut même pas aller voter là, sérieux. Ah non, mais je comptais pas voter. Ah non, on peut pas. Et puis quand tu vois les guignols qui a à côté. Donc, je vote à balles réelles. Exactement. Et si on faisait ce quiz parce que la politique, c'est ce que franchement. Dit, en parlant de balles réelles. On va commencer par la France quand même. Ok. Oui, je tire à balle. C'est pour ça. La France, nous sommes consommateurs de manga. Nous sommes même les deuxièmes au monde, je crois. Ah ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Mais d'après vous, quel est le manga le plus lu en France? Est-ce petit A, One Piece? Petit B, Naruto? Petit C, My Hero Academia? T'es dans la merde, Kevin. Salaud. Tu peux le savoir sans le savoir, c'est fort. Ouais, mais les trois réponses sont bonnes. Le problème, en vrai, c'est que alors, j'hésitais entre deux. Les et il a mis les deux que j'hésitais. Célèbres, à mon avis, les trois, c'est le tiercé de tête. Alors, nous avons One Piece pour Daniel, Thierry. C'est quoi ça? Non, B. Ah, One Piece aussi pour Daniel? Ouais. Oh, y'a que moi qui me suis démarqué. My Hero Academia? Ouais. Alors, tu t'es bien démarqué, mais c'est fallait pas. Bah, je sais. Non, c'est One Piece. Ah ouais. Ça, pour le moment, il y a de grandes chances que ça soit toujours One Piece. Ouais, d'accord. Vu que clairement. Ça a une longévité. Ouais, il y a combien d'épisodes? Avec le millième qui sort au cinéma. Peut-être pas vu qu'il y a Dragon Ball quand même. D'accord. Ah oui, il y a Dragon Ball aussi, c'est vrai, ouais. Ouais, donc il y a quelques. Il y a du bon monde. Il y a du beau monde. Comme on dit. Alors, changeons de question. Oui, on va où maintenant après on va la partir France dans les pays nordiques. Ah, Daniel, c'est pour toi. Comment s'appelle Oui. Oui. Allez, comment s'appelle en hiver? Oui, c'est vrai. J'avoue, ça mérite presque un point. Non. Comment s'appelle la religion qui a pour dieu Odin? Est-ce que c'est la religion des As? Est-ce la religion de l'Asatru? Et que quoi? La Satru avec un U avec un accent. D'accord. Est-ce que c'est la religion du Yavwist? Oh putain. Du Yavwism. Pardon. Autant pour moi, je voulais pas l'écorcher. Je vais copier, désolé. Hein. Non mais on oublie, les noms au fur et à mesure. Parce que là, c'est seulement trop parce que c'est que je me souviens. C'est surtout celui où il a pas trop bugué en fait. En fait, c'est un nom de religion que ouais, mais je sais pas si c'est un peu comme idée, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme. De comment mais je vais être comme toi. Mais non, c'est plus facile pour ça parce que ça part de la racine. Non mais il y en a un qui signe en isme. Non mais on aurait pris le nom que tu as donné pour rajouter un isme ou je sais pas quoi. Bon, ça y est, c'était bon quoi. Il y en a qu'un seul qui est signé en is, c'est le Yavwism. À tes souhaits. Ouais, ben. C'est un W, c'est chaud. C'est chaud. Donc, nous avons les As pour Kevin, les As pour Linda. J'ai copié les Kevin. As pour Thierry, les. T'as mis quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc, ça? Ah, le dernier? Ouais, d'accord, le C envie. Et le A pour Océane, donc le As aussi. Tu vas voir, alors, ça va être le B. Les As, c'est effectivement, c'est lié au dieu nordique, mais ce n'est pas le nom de la religion. Voir, le nom de la religion, c'était la B, personne ne l'avait. C'est l'Asatru. Putain, t'y crois, toi? Ou l'Asatru. Je sais pas comment ils peuvent dire ça. Je dis, ça va être le B, ouais, tu vas voir. Ouais. Pourquoi je suis pas mon instinct? Donc, l'intonation. Moi, je t'ai suivi, toi, en plus. Il y a, je crois, dans les pays nordiques, 9 déclinaisons, je crois, différentes, alors. Aucune idée. Je ne parle pas le nordique. Je vous avoue. Tu parles le merdique. Oui, ça, je suis d'accord avec Thierry, ça. Nous allons parler. Nous allons partir en Italie. On va parler mozzarella. Non, même pas du tout. Oh. On va parler d'actrice. Bah non, d'acteur. Bah non, des deux. Non, de personnalité en fait. Oh, d'accord, ok. Bah j'ai les trois. C'est déjà, il se souvient plus. J'ai une actrice, une personnalité et une autre personnalité, on va dire ça. Qui est la personnalité italienne la plus connue en France? Vas-y. Monica Bellucci, Valentino Rossi ou Carla Bruni? Ah, oh, c'est dur. c'est dur parce qu'en plus, il y a un piège quand même. Je vous cache pas, il y a un piège. Monica Bellucci, Valentino Rossi ou Carla Bruni? Donc nous avons pour Kevin Monica Bellucci, nous avons Bellucci, Carla Bruni. Elle est tombée dans le piège. Océane est tombée dans le piège, ouais. Effectivement. Mais elle est quand même connue en France, hein. On va pas se mentir, c'est quand même. C'est la femme de Sarkozy. C'était la femme de Sarkozy quand même, donc ouais. Ils sont plus ensemble. C'est toujours. Seul l'est toujours, c'est toujours. Juste qu'on n'entend plus parler. D'accord. T'es plus première dame, t'es. Du coup, c'était bien Monica Bellucci. C'est bien Monica Bellucci. Quand tu penses à l'Italie, tu penses à Monica Bellucci. Elle est pas avec un acteur, enfin. Porno? Je sais pas. Non. Non, un grand acteur justement. C'est comment son nom? J'ai plus son nom. Non, je pensais que t'allais nous mettre Amanda Lear et puis en personnalité. Il était dans le top. Berlusconi. Dans le top. Mais ils n'étaient pas en premier. Voilà. Notamment par rapport à la 5, la chaîne de télé dont j'ai parlé il y a très longtemps. Je sais pas. Mais ils étaient tous dans le top, ceux que tu as cités. Mais même Carla Bruni était dedans. Parce que, ouais, elle est italienne. Elle a des. Ouais, origines. Des origines, ouais. Bah, ouais, oui, du coup, elle est célèbre en France, hein, non, on va pas se mentir. Elle est italienne, hein, de toute façon. Elle est italienne, ouais. Soit. On va partir en Argentine. Là, c'est pour toi, Kevin. Petit clin d'œil. Enfin, discret. Quand tu vois la question. Oui. Qui est le joueur de foot le plus argentin? Non, le je plus célèbre copier, en Argentine. S'il te plaît, je peux te copier. Est-ce Lionel Messi, Diego Maradona, ah, ou Ronaldinho? Ah, c'est chaud, hein. Surtout pour deux, parce que le troisième, faut pas exagérer. Ah, je sais pas. Alors, on parle au jour d'aujourd'hui, hein. Ah. On parle au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais le ouais. jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, ça n'existe oui, pas. C'est pour aujourd'hui, ça, c'est ça, on parle aujourd'hui, ça suffit. Vu que bon. Alors, nous avons Maradona. Daniel qui a mis Maradona. Maradona pour Linda. Mais moi, si. Pour mais moi, si c'est les deux, en oh, fait. Pour ta gueule. Pour moi, c'est les deux. Toi, tu vas perdre ton point. Maradona. Mais pour moi, c'est et les deux. Messi pour Thierry et Kevin. Pour moi, c'est les deux. Et ben non, pour moi, c'est Maradona. Bah oui, c'est le plus vieux, non? Oui, bah c'était la plus grosse. Je suis pas d'accord avec toi. Mais t'as le droit. Mais ça te donnera pas de points quand même. Mais je suis sûr que si on demande à toutes les personnes qui nous écoutent de nous appeler au 09 70 407 306. Ça a pété le standard. Il y a 10 fois sur 11 du Lionel Messi. Ouais, bah il va non, s'en foutre. Non, mais alors, par contre, la question c'était en Argentine. Alors, s'il vous plaît, les Argentins qui nous écoutent, appelez-nous au 09 wow. 70 bah, c'est Messi. Et vous faites l'effort de parler français, non. S'il vous plaît. C'est qui a ramené la Copa à l'Argentine? Ouais, mais bah, c'est qui le vieux joueur de foot? Ça compte pas, les morts ne parlent pas. Mais non, mais il est ils vivant. Ont la Copa bah, c'est Messi. Sur Montcru, mais non. Maradona, il est mort. Oui, mais. Ah, il est mort. Bah oui, merde. Il est mort récemment en plus. Ah, il est mort récemment, voilà. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il soit célèbre. Bah, de toute oui. façon, Napoléon, il est mort, il est célèbre. C'est ça. Oui. Bon, la question, c'est pas mort ou célèbre. Oui, la question, c'était d'accord. Trouver la réponse à moi au quiz. Bon, bref, on a trouvé ou pas, voilà. On s'en fout, de toute façon, il a toujours raison. Exacto. Ouais. Comment s'appelle raison. Le chanteur du groupe BTS? Le chanteur principal, hein, je parle. Parce ah, qu'ils sont plusieurs à chanter. Je vais me planter sur ça, moi. Oui, bah oui, bonne chance. T'inquiète, tu seras pas passe ton bac et après ton BTS. Et là, t'auras la réponse. Est-ce qu'il s'appelle Jimin? Est-ce qu'il s'appelle RM? Oui, c'est deux lettres. Ou il s'appelle V? Oui, c'est une lettre. J'ai perdu mon bouchon. Alors... Quel con. Tu pousses toujours le bouchon non, un peu trop loin aussi. Autrement, tu le cherches plus tard. Ouais, c'est pas grave. En fait, on a tous joué, on t'attend, Teddy. Oui. Ouais, mais on mon stylo, il va, s'effacer. Il va plus marcher. Alors, nous avons... Attends, j'ai oublié mes réponses. Réponse 2. Je suis mon instinct. T'as pris réponse alors, 2 t'as pris RM, Jimin, V, Jimin. Et eh ben c'était Jimin. Ah, Jimin c'est le chanteur alors, principal. Moi j'ai pris le V parce qu'il y avait moins à écrire. C'est une bonne raison. Parce que t'as pensé à Kin V mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas la même. Bordel, j'ai perdu mes ardoises. Qui d'autre avait mis Jimin? Linda moi, et Daniel. Pas, moi. Oh vraiment? Non, il a mis V. Non, il a mis V. Non, c'est moi qui ai mis. Ah oui. Il y a moi aussi. Bah tu te rends compte mais quand même t'as 3 points Daniel. Waouh. Oh, t'as beaucoup. Ouais. T'as comme Thierry et comme Linda. Oh, wow. Putain, j'ai... Vous avez tous les trois j'ai trois performé points. Ce soir. Ils ont... Ouais. Ils ont réussi à faire comme moi, c'est bien. Mais sans imiter. Et c'est quoi les autres scores? On n'imite pas les faux. Et les autres scores, bah. Kevin, tu es égalité avec Océane avec 2 points. Fais gaffe, elle a dit qu'elle allait te frapper. Ça, c'est dommage que t'aies pas une question subsidiaire pour les trois là. Une question subsidiaire? Ouais. Okay. Une question subsidiaire. Tu as à perdre? Non, je veux gagner justement. Une question subsidiaire. Alors le temps qu'il réfléchit, je peux la poser. Vas-y Kevin, meuble, Ikea, vas-y. C'est parti. Bah alors pour tous les bons meubles, n'hésitez pas à aller chez Ikea. Non mais moi je dois poser la question. Non, en vrai. Je peux la poser moi. Je peux la poser la question. Tu peux la poser. Vas-y. Ouais, je veux la poser. Vas-y à la limite. Bah non, bah tu peux la poster aussi si tu veux. Ah, il peut la poster. Il a la posé. Non, vas-y. Parce qu'il a perdu. De toute façon, c'est entre nous les trois là. Vas-y. Bah non, pose non, la non, question, non, non, non, non, non, non. Non, il est dedans. C'est pour ça que je veux la poser. Ah, il est dedans. Ça y est, je l'ai. Ouais. Mince. Je l'ai. Quel est le poids de cru d'une baguette tradition en France? 250 grammes. Est-ce que c'est cru? Ah merde. Bon, je précise. Ah, cru! Ah merde! Est-ce que c'est oh, putain. 300 grammes? 320 grammes? Ou 350 grammes? Je joue même si ça compte pas. Vas-y. Oui. Je te rajoute 2 points si tu veux. Non, vraiment? Oui. T'as dit quoi? 300? 320? 300, 320 et 350. 300. Ah bah. Genre, on va tous avoir faux, attends. Tu vas voir. Bah ouais, merde. Ah merde, c'était quoi? 350. Ah mince, y'a tant d'eau. Ça varie entre 330 et 350. Y'a tant d'eau que ça. Bah bon ouais. Bah, ouais, question, ça ouais. Deuxième question. vous êtes chiant là. Non mais c'est pas grave, c'est non, pas grave. Non, si, mais... si, c'est gr... si, si, c'est si, grave. Si, c'est grave. C'est grave, oui. C'est grave, mon c'est grave. Fils. Quel est le poids d'une baguette tradition quand elle est cuite? On va faire que du pain en fait. Quel est le poids d'une baguette tradition quand elle est cuite? Eh ben je viens de le dire. On a entendu la réponse. Bah oui, elle l'a dit, donc non, c'est pas valable. Ouais, je commence, c'est ta cour de. Mais c'est très bien, tout le monde a gagné. On a bien joué. C'est comme l'école des fans. Au pire, tout le monde a 3 points. Cette fois-ci, exceptionnellement, il y aura 3 égalités. 3 sur un podium, ça tient difficilement, mais ça tient quand même. Bah, surtout, on va finir dans une série 1, 2, 3 soleils. Ouais. Avec la poupée. Le premier qui a bougé a perdu. Ouais, ouais non, fais gaffe à la poupée. Ils ouais. ont un problème de tenir avec moi sur le podium. Ils ont le premier qui a parlé a perdu, tu donc prends toute la place. Paf, bing. Oh on va faire ça pendant une émission. Le roi du silence. Oh putain. Alors là, je te dis pas l'émission. Alors, je pense que tu vas pas gagner non plus. Oui, bah personne va gagner et même je dirais. Océane pour l'instant. Ouais, elle gagne. Je dirais que ça serait pas très intéressant de nous écouter faire jouer au roi du silence. Ouais. Par contre, ce qui serait intéressant de nous écouter, c'est nos émissions qu'on a déjà fait évidemment en podcast. En podcast, oui, sur indestar.fr, on a tout, on a Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, je crois aussi de mémoire. Ouais. Il me semble. Oui, c'est vrai. Et même je dirais. Il y a pas Kevin Podcast. Non. Par contre, il y aura Daniel Podcast à un moment, mais peut-être. À un moment. Sous une forme, on vous en parlera. Par contre, ce qu'on a oublié de dire, enfin, c'est pas qu'on oublie. Hein, on a une belle page Facebook, par exemple. Non, c'est pas ça non plus. Non. C'est pas ça que je voulais en venir. On a Instagram aussi. C'est pas on ça. A Instagram, une YouTube aussi. Oui. C'est pas ça non plus. Non. Mais on l'a. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Bah, qu'on a plein d'émissions. Évidemment. Là, vous êtes dans PK Avengers. C'est le jeudi soir de 21h-23h. Mais on a quoi? Bah ça non, demain on fait réunion, on fait pas émission. Non, oui, demain, mais on prépare une émission qui va avoir lieu la semaine prochaine. Une spéciale Noël. Une spéciale Noël oui, qui aura lieu le vendredi. Donc, vendredi de 21h à 23h. 21h. mais avant ça, lundi, nous aurons l'émission Starter de 21h à 22h. Oula, ça dure qu'une heure. Oui. Un peu plus. Oui, un voilà. peu. Ça dépend de la vitesse le de la voiture. Et d'ailleurs, on va parler d'un truc assez intéressant. Hein. Ah, on va faire, ça va être un peu Noël aussi dans Starter. Ah, ouais. Noël, on va parler d'un véhicule très particulier. Le traîneau. Le traîneau. Ouais. Le traîneau. Excellent. Ça serait marrant. Un aspirateur traîneau. Pourquoi pas, oui. Il y a Actu Solite aussi le mercredi de 21h à 23h. Alors je sais pas où est-ce qu'ils vont, mais grande chance que ça soit en rapport avec Noël. Là c'était les Vikings, oui, hier, hein. C'était les Vikings. Ouais. C'est moins Noël, c'est de la neige, mais c'est pas Noël. Oui. Et on oui, va parler de quoi nous jeudi prochain? Hein? La Laponie. Ils partent en Laponie. C'est quoi le rapport avec Noël, la Laponie? Bah, il fait froid, il y a le Père Noël. C'est le pays du Père Noël. Enfin, Teddy. Ah bon, je croyais qu'il habitait dans le Nord. Teddy, les traditions. C'est le Nord, la Laponie. Les traditions, je bosse dessus, apparemment. Et donc, du coup, nous, jeudi, c'est gastronomie, non? Oui, on va faire de la gastronomie pour Noël. Oui. On peut même le dire avec une surprise. On va bouffer. Oui. Sauf qu'on. Bah, si je le dis, c'est plus une surprise. Ah ouais? Il y a une surprise. Tu n'es pas là? Non. Tu fais la bouffe? Non. Ah mince. Ouais, non. Vous saurez ça la semaine prochaine. Ouais, d'accord. Oui, effectivement. C'est plus une surprise. Il suffit d'écouter et vous saurez. Voilà. Voilà. En attendant, bah. On se dit. Au revoir, oui. Ouais, bonne soirée, merci d'avoir écouté. On se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Puis bah. Des bisous à tous. Et on va écouter Mia Rose, Tutto Bene. Ah bah oui, Tutto Bene. Oui, sur Indestar. Bisous. Bisous. Ciao. Sayonara. See you next time. Arrivederci. See you next time. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.